CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. Sébastien Gartin sera de retour pour parler d'actualité dans son fameux putain Gartin. Et Xavier Miklis nous racontera des niaiseries dans sa moins connue mais tout autant appréciée conique. Des niaiseries. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 18 septembre 2017 à 221 jours de la fin de l'année scolaire 2017-2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est où ça? À Trois-Rivières. À Trois-Rivières, ok. Exactement. Oui, excuse-moi, je n'avais pas... Le seul studio, Mathieu, okay, de C'est fou. Ok. C'est pas mal, merci, ça. Merci. Donc, bienvenue, Tania. Bienvenue, bon matin. Bon matin, une autre semaine qui commence. Oui. Mm-hmm. Deuxième semaine de l'année pour nous, donc on est encore en forme. Mm-hmm. Ça durera pas. Non, c'est ça. J'ai cru remarquer ce matin que le temps était noir beaucoup plus longtemps que déjà en partant la semaine dernière. C'est gris pas mal, ouais. C'est ça. C'est encourageant. J'ai pas hâte à décembre. Moi non plus. J'ai pensé tantôt, je me dis, ça va donc bien, on est dans les temps aujourd'hui, tout va bien, tout le monde commence à l'air, blablabla. Ouais, le mois de novembre, après ça, décembre. Ce sera pas de même. Mais... Bref, aujourd'hui, l'émission, Tania, on a quand même des chroniqueurs. C'est aujourd'hui que ça commence officiellement. Oui. Le calendrier est sorti pour les chroniqueurs en fin de semaine. On a réussi à avoir pas mal tout le monde, de leur trouver une place finalement. Donc aujourd'hui, on va avoir Xavier Miklisch à 8h pour sa chronique. Mm-hmm. Sa chronique humoristique. Donc ça, c'était à 8h ce matin. Sébastien Gartin s'en vient dans quelques instants, tantôt pour sa chronique Bulletin Gartin. Toi, t'as aussi ta chronique qui continue malgré tout avec Tania Isgonatotinia. Qu'est-ce qui s'en vient? Mais on va parler un petit peu d'environnement. Encore, mais ne vous inquiétez pas, ça sera pas aussi grave que la semaine dernière. Peut-être plus. La semaine dernière, il y avait plus de café. Un jour, il y aurait plus de café. Exactement. Je sais. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, surtout pour notre survie à nous deux. Ouais. Mais sinon aussi, on va parler de choses assez intéressantes qui devraient se passer du côté de Montréal dans les prochains temps. Hmm. Mm-hmm. Et enfin, l'émission Les Instructions d'Assemblage. Mais commençons en musique avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. Vous allez la réentendre sur l'heure du midi dans l'édition quotidienne Nouvelles Entrées des palmarès C'est fou. Donc, écoutons une pièce qui se nomme Piscine privée. D'accord. Et c'est par Makala. Tout de suite, t'as Assemblage Rookie sur Cifou. Dans ma piscine privée, j'ai oublié mon âme. ça se verrait dans mes moules. Si je mentais, ça se verrait dans ma manière de faire. Si je mentais, ça se verrait. Dans ma discipline, j'aime quand t'es tard. J'ai la plein sur terre. Nouvelle entrée du top 20 francophone, Makala avec piscine privée. Makala, Makala! T'es-tu baigné, Mathieu? Non. T'en as-tu profité? Oh non! Ça serait frisquet, ça. Bain de minuit, quoi. Oui, appelle. Exactement. Mm-hmm. Ou bain de 7 heures. C'est ça. Ça dépend. Celui qu'on aimerait pouvoir tremper dans le chocolat tellement il est délicieux dans ses chroniques. Sébastien Viertin. Faut que je continue comme mes bonnes habitudes de faire des liens vraiment aucunement appropriés avec toi. Effectivement. Ouais. C'était un beau, ça commence bien la saison. Fait plaisir. Au moins, j'ai pas dit que je vais mettre un bâton dans les... Une chance. Ça aurait pu... mal virer. C'est ça. Sébastien F. Gartin qui est avec nous encore pour une, quoi, je dirais, j'ai envie de dire un chiffre au hasard, une quatrième année? Une affaire de même, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Environ, de chronique politique. 17, ouais, environ. Ouais, pas mal ça. Donc, on parle provincial, fédéral, international, américain des fois, municipal. Peut-être. Municipal, oui, ben oui. Hey, justement, avant même de commencer, commençons avec une parenthèse. Une autre bonne habitude à ne pas perdre. Ouais. Hein? Hier, j'ai eu la visite d'un candidat aux élections municipales chez moi. Ah ouais? Directement chez toi? Ah oui, il était super fin. Il parlait de vélo puis de transport en commun. J'ai fait comme, t'as un vote de plus, man. Oh! T'as un vote de plus, man. Là, vraiment fin. Pierre Montreuil. C'est ça. Facebook. J'ai failli faire ma chronique ce matin sur ce sujet-là, en fait, sur les élections municipales. 5 novembre, je crois. 5 novembre. Ouais. Pour, entre autres, dire à l'auditoria que les élections municipales, c'est important. Mm-hmm. C'est ce qui a probablement le plus d'impact direct dans nos vies, malgré le fait qu'on n'en entend jamais parler. Oui. Et justement, vu qu'on n'en entend jamais parler, j'ai commencé à regarder vite pour faire ma recherche pour ça hier. Je me suis dit, m'en attendre une couple de semaines. Ouais. Parce qu'il n'y a rien. Sérieusement, la semaine juste avant les élections. Puis ceux qui me connaissent un peu, puis qui, c'est ça, t'sais, d'habitude, je suis genre à m'informer pas mal, puis je suis le fatiguant qui sait tout le temps, ouais, t'es dans telle circonscription, c'est lui ton député, puis... Puis, je sais même pas qui c'est qui se présente. Je sais même pas c'est quoi mon district électoral. Je pense que c'est ça, c'est le district qu'il appelle. Ton diocèse. Mon diocèse, ouais, c'est ça. chez nous, personnellement. Fait que je vous laisse deviner comment est-ce que. Fait que bref, je reviens là-dessus. On a du temps d'ici le 5 novembre, mais oui, là. On te fait confiance, par contre. Oui, oui, parce qu'il faut le faire. On n'ira pas voter, sinon. Ça va être ta faute. Ouais. Ça va être de la tienne, là, et non pas de celle. J'ai besoin d'informations. Ouais, OK. Anyway. Sinon, on blâmera Génie en liberté. Non, c'est une blague. Oh. Ah, c'est une blague. C'est fini, ça. C'est ouais, il revient dessus ou... Il est dans le podcast. Ah, bon. Qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est ça. On les salue. On les salue. On les aime beaucoup. Bon. Ben, c'est ça ce que je voulais parler aujourd'hui. En fait, ben, là, je veux dire, on a eu un 3-4 mois pas là. Fait que là, je pense que Tania et moi, on est aucunement au courant de la politique de tous les sens depuis le mois d'avril. Mm-hmm. Bon. Il y a eu beaucoup de choses. Des effluves de Troisième Guerre mondiale, ainsi de suite. Mais j'ai décidé de ce matin commencer avec un sujet qui me tient à cœur. En fait, le sujet que j'adore et que je déteste le plus. Que j'adore le plus parce que ça touche pas mal à mon sujet de maîtrise et que je déteste le plus parce que ça touche à mon sujet de maîtrise. C'est l'immigration. Puis en fait, c'est que c'est du bien des niaiseries dernièrement, tu sais, la meute, tout ça. Puis on entend souvent le terme immigrant illégal. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un immigrant illégal? Bon, premièrement, ceux qui vont utiliser ce terme-là. Souvent, ils vont essayer de nous faire croire qu'il y a des immigrants qui n'ont pas le droit d'être là. OK. Tu sais, illégal, tu sais, c'est des criminels. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. Or, la réalité est un petit peu plus compliquée que ça. Pourquoi? Parce que, en fait, puis comme c'est à peu près de même partout dans le monde, il n'y a pas de loi qui dit « t'as pas le droit d'immigrer ici, sauf si ». C'est plutôt « quand tu veux immigrer ici, tu devrais si ». Et oui, il y a une nuance. Ce qu'on va souvent essayer pour dédramatiser dans certains milieux, on va plutôt parler d'immigration non documentée. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'immigration non documentée dans ce cas-là? C'est sûr qu'il va y avoir de différents politiciens et différents acteurs publics qui tentent de se faire de la politique autour de ça. Je parle pas du tout du troll en chef américain. Mais non, mais voyons. Du tout. C'est pas là-dessus que ça fait élire pas en tout. Mais non. Mais c'est qu'en fait, bon, il nous présente une espèce d'image où ce que ça, c'est tous les criminels quittent les pays d'Amérique du Sud pour rentrer aux États-Unis puis profiter de ce beau pays puis ainsi de suite. Puis là, on vit un peu la même chose ici parce que là, ben ces gens-là qui sont aux États-Unis, ils ont peur pour leur peau avec ce qui commence à arriver. Il y a eu déjà des déportations à tonnes, et ainsi de suite. Ben là, ils commencent à émigrer au Québec. Ben, au Canada, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'entre autres, au Québec, ben, c'est ce qui a donné qui a poussé beaucoup de vent dans le dos du groupe qu'on appelle la Meute. Toujours avec beaucoup de retard au Canada, mais quand même. C'est ça. Mais il y a des affaires de même que même s'ils avaient voulu prendre encore plus leur temps, on n'aurait pas eu de trouble avec ça. On n'était pas pressés, ça. Non, c'est sûr. Puis c'est ça. Puis d'ailleurs, bon, la Meute, si vous avez suivi un peu ça, ce que vous m'avez dit qui n'est pas le cas. Ah, un peu. Mais c'est pas le choix. Parce que tu sais, veux pas, en étant sur les réseaux sociaux au minimum, tu vois passer, là. C'est ça, tu sais, il y a du monde qui font des posts dans ce temps-ci un peu surréalistes de longs posts, là, d'énoncés, d'intentions, là, souvent, généralement, très mal écrits, ce qui fait, en tout cas. Mais, tu sais, de phrases qui se peuvent pas pis toutes, mais qui est signé « membre de la Meute ». Ouais. Puis là, c'est drôle parce que la Meute, ils ont déjà eu leur premier putsch, là, il y a comme de la chicane dans les chefs, là, il y en a qui ont comme... Il y en a qui ont comme pris le nom puis qui l'ont fait incorporer avant ceux qui avaient parti Fait que là, moi, je me suis dit... Après ça, les péquistes viendront nous faire croire qu'ils se parlent pas. Mais en tout cas... Donc, c'est ça. Puis là, ben, tous ces groupes-là, puis le Twitter en chef est américain, puis ainsi de suite. Ce qu'ils viennent nous dire, c'est que là, il y a un problème d'immigration illégale, puis ces affaires illégales, ben, faut arrêter ça parce que c'est illégal, c'est contre la loi, puis tout. Donc... Ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a des... mettons, le chemin typique et, mettons, désiré d'un immigrant... Mm-hmm. Vers la citoyenneté. Vers la citoyenneté, oui. Mais même pas vers la citoyenneté, vers la résidence, okay. En fait, vers la présence dans un pays. Normalement, ce que ces gens-là vont dire qui devrait être la seule occasion que tu rentres dans un pays, c'est que t'es dans ton pays d'origine X... Tu veux rentrer dans le pays Y. Mm-hmm. Mettons, le pays Y va être le Canada et le pays X va être, mettons, une république de bananes où les affaires vont tout croche. On va appeler ça le Trumpistan, mettons. Fait que toi, t'es un Trumpistanien puis t'aimerais ça venir t'établir au Canada. Donc, normalement, ce que tu ferais, c'est que tu irais voir dans ton pays, tu irais voir l'ambassade canadienne au Trumpistan puis tu irais faire une demande d'immigration. Souvent, ça commence par un visa de travail, ça peut être un ainsi de suite. Fait que t'as un paquet de paperasse à remplir. Puis là, un moment donné, ben, le gouvernement canadien te dit « Parfait, tu peux t'en venir. » Fait que là, t'achètes ton billet d'avion, tu t'en viens au Canada. Là, c'est des mois et des années de paperasse. Et des frais. Puis d'ailleurs, on connaît tous quelques étudiants internationaux qui essayent de s'établir ici suite à leurs études faites à l'UQTR. Puis, si vous parlez à ces étudiants-là, parlez-leur des demandes de citoyenneté puis des demandes de changement de visa, visa étudiant, visa de travail et des choses comme ça. Vous allez voir que si vous trouvez que des demandes de bourse de cycle supérieur, c'est compliqué à remplir, vous avez rien fait. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le chemin normal. Or, il existe des situations diverses. Puis là, ben là encore, comme je dis souvent, l'image qu'on se fait peindre, ben là, c'est des gens qui sautent des barrières et qui, tu sais, une espèce d'affaire là, de film d'action, là, de passe en dessous d'un mur, évite les gardes, fait ton Sam Fisher, c'est le jeu du début des années 2000, Splinter Cell. Là, mais en tout cas, tu sais, là, c'est des espèces de ninjas, là, que c'est quasiment sûr qu'avec ces talents-là, sont soit venus pour sauver leur fille qui s'est fait enlever pour la troisième fois. Exactement. Référence à Liam Neeson. Ou encore que c'est du monde qui ont des mauvaises intentions, là, que c'est des genres de super assassins de la mafia colombienne ou je ne sais quoi. Or, c'est pas du tout ça. Ce qui arrive généralement, en fait, la majorité des immigrants non documentés, c'est des gens qui arrivent en fait par avion, qui ont soit un visa de touriste, un truc comme ça, et qui restent dépassés leur temps de visa. Parce qu'un visa, c'est tout le temps limité dans le temps. Et ces gens-là, ben, restent après leur visa. Alors, on parle, je donnais l'exemple, situation qui touche une partie de notre auditoria, je sais pas. Ils vendent des termes, là. Ben oui, j'ai le droit. C'est comme en tout cas. Tu sais, t'es un étudiant qui vient de France, ouais, ben de non. Belgique, puis tu viens étudier au Québec parce que tu veux. Venir étudier au Québec. T'as un visa. T'as un copain ici. Ouais, mettons. Mais tu sais, tu viens étudier au Québec. Souvent, le copain, c'est là qu'il arrive, en fait. Ouais. Ou ouais. La copine. Parce que t'as dit le copain, mais j'ai comme l'impression que tu parles de quelqu'un qu'on connaît, tout le monde ici. Peut-être. Surtout pas quelqu'un qui travaille pour le Zone Campus. Et qui fréquente mon ancien co-animateur. Peut-être. Bref. Beaucoup de références. C'est ça. Y a on n'aimerait pas de nom, là. Il y a comme 5 personnes, dont 3 assis présentement dans le studio qui pourraient comprendre la référence. C'est du copinage. C'est ça, du copinage. Ouais, ils dorment, ils sont pas debout. C'est ça, voilà. Donc, tu parlais-tu de l'ensemble du monde qui écoute la radio? Ou non, juste ces deux-là. On commence par ça. C'est ça, c'est mêlant, hein? C'est une parenthèse. Oui, on est de bonheur, nous autres. Ouais. Comme moi, toutes mes affaires vont bien, c'est correct. L'émission commence juste à 1h30. Non, c'est pas vrai, elle commence à 7h. Donc, j'ai commencé avec son année scolaire avec un premier retard déjà. Ouais, c'est ça. Ben, oh, moi, je suis étudiant, fait que... Mais le... Ouais, donc, c'est ça, je parlais. Ben, tu sais, c'est ça, comme je disais, les étudiants internationaux, ils ont un visa d'études qui dure pour le temps de leurs études, qu'il faut soit qu'ils renouvellent ou soit qu'ils deviennent, s'ils se réinscrivent dans un autre programme, comme par exemple, ils rentrent à maîtrise ou un truc comme ça, ou s'ils veulent s'établir ici, ben là, ils demandent un visa de travail, puis là, après ça, ben, suite au visa de travail, c'est la résidence permanente. Puis là, ben, après quelques années de résidence permanente au Canada, là, je suis plus certain, les dates, c'est combien. Mon dernière nouvelle, c'était quasiment une dizaine d'années. En c'est quand même long. 7-8 ans au moins. Là. Ben là, après ça, tu peux devenir citoyen. Là, la différence entre résident permanent et citoyen, résident permanent, en fait, t'as toute la même affaire que citoyen. Mm-hmm. C'est juste que t'as pas le droit de voter, puis t'as pas le droit de te présenter aux élections. OK. En gros. Mais c'est quand même gros, là. Oui. Ça a l'air bête, là. Tu sais, quand on habite dans le pays dans lequel on est né, puis que ça donne que c'est une démocratie, ben, tu sais, voter, c'est quasiment une affaire que d'anodin comme ça, mais c'est que c'est quand même là que t'influences comment est-ce que la vie se passe dans ta... En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Je commencerai pas à faire un speech pro-élection de c'est important de voter, puis tout, là. Je vais vous écœurer assez avec ça, ça. Plus tard dans la session. Ça va venir plus tard, fait que, mais c'est quand même ça, c'est quand même quelque chose d'important. Mais ben, c'est sûr que quand t'es citoyen, ben là, tu peux avoir un passeport de ce pays-là. Fait que des fois, bon, pour différentes raisons, c'est plus simple de... Donc, là, je décris ça, puis bon, ça a l'air, ben oui, mais c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est de la paperasse au bout quand même. Et ce qui arrive, c'est que des fois, il y a plusieurs cas spéciaux où que, ben, les canaux habituels de l'immigration... tu sais, c'est beau, c'est clair, c'est oui, si, c'est de la paperasse, c'est compliqué, ainsi de suite, mais tu sais, les affaires sont claires. L'affaire, c'est quand tu sors de ces situations-là, puis c'est très, très rapide. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment avalé mon bagel vite à matin. quand tu sors des canaux habituels, ça devient rapidement très complexe. Ça devient très rapidement des situations extrêmement difficiles, puis extrêmement, on pourrait dire, brise-cœur. Ah oui. Donnez un exemple. Il y a un truc, puis dernièrement, un truc qui est arrivé aux États-Unis, on parlait de DACA. Si vous avez vu ça passer. Je me demandais justement si on allait aborder le sujet des enfants qui ont été amenés dans le pays très très tôt. C'est dans ça, leur vie. Ce qu'on appelle des Dreamers. Ouais, voilà. Ils se sont surnommés les Dreamers aux États-Unis. C'est que ce qui arrive, c'est que, bon, il y a constamment, en fait, une exode des pays. Ben avant, c'était principalement du Mexique. Maintenant, ça part plus de l'Amérique du Sud. C'est des pays qui présentement ça se passe pas bien et ces gens-là essaient d'émigrer aux États-Unis. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et les États-Unis, ça n'a jamais été des grands chums, donc les canaux diplomatiques c'est compliqué, il y a des background checks à n'en plus finir parce que ça on n'entend pas beaucoup parler, mais les États-Unis depuis le début du 20e siècle ils ont une grosse relation de schnout avec pas mal tous les pays d'Amérique du Sud. Non, pas vrai. Il y a un empire américain, on va dire, puis ben il y a certains je dirais pas dictateurs, mais je l'ai dit pareil, qui ont été, je dirais pas placés, mais je l'ai quand même dit pareil dans certains pays d'Amérique du Sud, ce qui fait que le gouvernement américain, puis là, il faut comprendre, les gens d'Amérique du Sud comprennent, je crois, je vais dire, il voit une différence entre le fait d'habiter aux États-Unis puis le fait d'être le gouvernement américain puis les projets du gouvernement américain. Donc, c'est pour ça qu'ils vont en même temps peut-être vouloir aller là-bas, mais ils ont un peu une espèce de « ouais, non, il n'y a pas de relation entre les deux ». Les, les ambassades sont. Puis là, je m'avance beaucoup sur le sujet parce que c'est dur d'avoir l'information là-dessus là encore. Puis il aurait quasiment fallu que je lise vraiment faire une chronique complexe sur cet aspect-là en particulier. Il aurait fallu que je lise un petit peu plus sur le sujet. Là, c'est un point parmi tant d'autres. C'est ça. Puis c'est un point assez pointu, puis c'est un point assez nuancé et difficile. Fait que bref, passez rapidement dessus. Relation de merde, retenons ça. Puis si on va rester là pour tout de suite. Bien, c'est ça. C'est que là, ces personnes-là, bien, ils fuient la pauvreté dans leur pays, puis un paquet de problèmes politiques, puis ainsi de suite. Ils s'en viennent aux États-Unis. Et, bien, c'est qu'il y en a qui amènent leurs enfants avec eux autres. Mm-hmm. Fait que là, ce qui arrive aux États-Unis, c'est qu'on se dit, bon, là, présentement, qu'est-ce qu'on fait avec ces immigrants non documentés-là? Puis généralement, bien, ceux qui se posent de questions-là, ils vont dire illégaux. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces immigrants non documentés-là? Bien, c'est sûr que les parents qui ont décidé d'arriver là par eux autres-mêmes, tu sais, tu savais c'était quoi le canal normal, donc... ils ont enfreint la loi volontairement. Fait que ouais. Puis là, ben, il va y avoir quand même la gauche américaine qui va dire « Ouais, mais considérant la situation, faudrait leur donner un certain lousse, ainsi de suite. Mm-hmm. » Puis là, ben, la droite n'est pas d'accord pantoute, puis là, ça chicane là-dessus. Par contre, une chose qui faisait quand même... quasiment l'unanimité. Pas l'unanimité, mais qui faisait un genre de pas pire consensus entre les deux, inconfortable ouais. entre la gauche et la droite, en fait, entre les républicains et les démocrates, donc entre la droite et l'extrême droite, là, on pourrait dire. En tout cas, c'était que... C'est pas de la faute des enfants. C'est que les enfants, c'est pas de leur faute. Oh. Ils ont été amenés là sans leur... Ben, c'est ouais. ça, ils ont pas décidé d'y aller. Ils ont suivi leurs parents. Souvent, ben, surtout ceux, plus sont arrivés jeunes, plus c'est vrai, ils ont souvent à peine connu leur pays d'origine. Donc, les déporter dans ce pays-là, ça n'a pas d'allure. Ils connaîtraient pas la place. Leur pays d'origine s'est rendu les États-Unis. Ouais. Des fois, ils parlent même pas la langue de leurs parents ou à peine. Ils sont beaucoup plus à l'aise en anglais parce qu'ils ont grandi, ils ont été élevés en anglais. Donc là, ben, c'est eux autres qu'on appelle les dreamers, pis c'est que ces gens-là, pis c'est que là, là encore, l'impression qu'on a, un autre mythe, en fait, j'aurais pu faire une belle liste de tous les mythes qu'on a envers ces personnes-là. Mm-hmm. Un autre gros mythe qu'on a par rapport à ces gens-là, c'est qu'ils vivent dans la clandestinité, en ouais, dessous des ça. Ponts, genre dans ils des espèces cachent partout, d'abris faits avec des vieux containers, tu sais, là, en tout cas. Puis c'est pas ça du tout, ces gens-là, ils ont des maisons, ils ont des autos, ils ont des jobs. Des fois, ils sont obligés de faire du vol d'identité à cause de ça, parce que faut qu'ils puissent travailler. Des fois, ils travaillent au noir, des choses comme ça, mais généralement, tu sais, c'est un des magnifiques paradoxes aux États-Unis. La façon que les paquets de choses sont faites aux États-Unis, c'est beaucoup plus laisser aller que ce que nous autres, ici, on est habitués. Ça fait que ces gens-là, souvent, ils payent leurs impôts, ils payent leurs taxes, ouais. ils ont une maison, ils ont des prêts hypothécaires, ils ont un paquet de choses, mais ils sont même pas résidents permanents, ouais. sont c'est, non documentés. C'est Obama qui avait parti le DACA dont tu parlais tantôt, ouais. qui était l'affaire de remettre à plus tard leur déportation. Là, pour l'instant, il est allé en dernier recours. C'est ça. Et c'était en fait le but éventuellement, parce qu'Obama était allé comme... Pis ça, c'est l'histoire de sa présidence, ouais. c'est qu'Obama... avait des grands projets et a fini par aller avec la version la plus minimale de son projet parce que ben il se faisait mettre des bâtons dans les roues par le Congrès puis le Sénat qui étaient les deux contenus pendant une bonne partie de son mandat, ces deux mandats. Mais c'est que le but à l'origine, c'était qu'en fait, quand t'es arrivé en bas d'un... Éventuellement, ou ce qu'ils voulaient en venir, c'était que quand t'arrives en bas d'un certain âge, ben on te la donne, la citoyenneté, puis ça finit là. Mm-hmm. Même si tes parents sont arrivés dans... crochet, l'illégalité. Ouais. mm-hmm. Fait que... Mais c'est qu'il leur a dit de sortir de l'ombre. C'est ça, les c'est dreamers, ça. C'est comme... Montrez-vous, on va rien faire avec vous autres. C'est ça. Parce qu'ils sont sortis, ils peuvent pas retourner dans l'ombre. Ben c'est ça, c'est entre autres ça. Ça se trouve à être... Puis là, c'est que dernièrement, ben ça a été attaqué, ce projet-là. Là, finalement, d'ailleurs, puis ça, c'est intéressant, là, Trump ne se fait plus très, très apprécier de ses amis, parce que là, lui, il s'est dit en faveur de ça. Puis il s'est dit en faveur du DACA puis des Dreamers. Puis là, de son bord, il y a du monde qui sont pas contents. Tu sais, il était supposé d'être off sur l'immigration. Là, d'un côté, le monde... Ce qui arrive, en fait, c'est que l'impression éternelle qu'on a, puis ça s'est encore beaucoup plus développé cet été avec tout ce qui s'est passé, on a l'impression que Trump agit juste sur des coups de tête. Mmh. Là, lui, c'est ben, pas là, ça? Il... Ben, c'est réfléchi. C'est dur à dire. C'est dur. C'est toujours dur de se prononcer sur des choses comme ça. On n'est pas dans que... sa tête. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est... T'sais, on le regarde de loin, on a déjà des... Nous autres, l'information qu'on en a, veut pas, ça passe par des médias qui reprennent d'autres médias, ouais. qui vont presque... C'est presque impossible qu'il n'y ait pas un billet là-dedans, c'est mais filtré. Effectivement, l'impression que ça donne, c'est que c'est sur des coups de tête qu'il agit. Puis en fait, John Oliver a fait lui-même des Last Week Tonight. Là. Ouais. Si vous voulez vous remonter le moral un peu, de vous dire ça va donc ben bien ici dans le fond, écoutez les éditoriaux de John Oliver sur HBO, puis ils sont presque sur YouTube aussi. Ouais. Vous allez vous rendre compte, mais il y en a fait un entre autres sur Donald Trump, parce qu'il démontrait que quand Trump tweet sur quelque chose, qui généralement est un précurseur, il va agir là-dessus dans pas longtemps, ben c'était quelques minutes avant, tu regardais ce qui avait passé à Fox News, puis c'était exactement ce qu'il venait de parler. Il y a une corrélation évidente. Il y a aussi une corrélation entre « il disait le contraire en 2013 » sur Twitter. Tu peux toujours aller voir les archives de Twitter, il y a tout le temps le contraire qui a été dit par le passé. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment sa tête, Twitter, je pense. Fait que ça, on peut voir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Mais c'est vraiment lui qui le gère, là. Ouais. Avoir le nombre de fautes qu'il y a par post, c'est lui. Et d'effacer le tweet, en remettre un autre avec une faute aussi, puis le réeffacer, puis en remettre un autre. Ouais. Puis d'ailleurs, vous remarquerez, tu sais, il y a une manière de construire ses speeches, puis ses tweets sont pareils comme ça. Ouais. Il pitch des allégations, il dit un sentiment. Pitch des allégations, dit un sentiment. Tant qu'à suggérer des trucs, allez voir la chaîne de Nerdwriter sur YouTube, qui a analysé, entre autres, comment Trump parle et comment Trump tweet. Mm-hmm. C'est fascinant, Nerdwriter. Voilà. Donc, on disait, c'est ça, on était sur l'immigration non documentée. Puis là, ben, si on repense à la crise des migrants de l'année dernière, en fait, les radeaux qui passaient sur la Méditerranée, qui avaient des morts, tout le kit, ça arrivait en Turquie, puis en Grèce, puis tout ça, puis c'était le bordel. Ben, c'est que ça nous rappelle aussi une autre chose, c'est que tout ce que j'ai parlé à date, on parle principalement de ce qu'on va appeler des migrants économiques, c'est-à-dire des gens qui tentent d'améliorer leur sort. Le rêve américain. Ouais, à peu près, tu sais. Dans leur pays, ça se passe pas à leur goût. Ils ont pas les opportunités de vie qu'ils voudraient avoir. Souvent, les opportunités sont minimales. Tu sais, il y a comme un bassin d'opportunités qu'on peut s'attendre à avoir dans notre pays d'origine. Puis si on l'a pas, ben, on essaye d'aller ailleurs. On devient migrant économique. Puis ça, d'ailleurs, une grosse parenthèse, on va se le dire, sauf exception, il y a très peu de gens qui vont quitter leur pays d'origine, tu sais, parce que ça leur tente. Oui, il y a le monde qui voyage, puis tout, puis... Il y en a qui, peut-être que toi, dans ta vie, t'as tellement trippé sur Le Seigneur des Anneaux que tu veux aller vivre en Nouvelle-Zélande parce que ton voyage que t'as fait là, tu sais. Mais généralement, il y a quelque chose qui nous pousse à partir de où est-ce qu'on a nos racines puis tout le kit. Ouais. Quand je dis nos racines, je suis pas en train de commencer à... Il y aura pas une petite toune nationaliste là, qui va partir en arrière. Non, non. C'est juste que c'est là que t'es habitué de vivre, c'est là que tu connais du monde, ta famille est là, bon, c'est tout. La vie, tu changes de province, puis la vie est pas pareille. Fait qu'on va garder ça en tête. Là. Quand on émigre, c'est rare que c'est pour aller chercher un luxe. C'est soit pour aller chercher des meilleures opportunités de vie, ou dans un cas encore plus extrême, pour sauver notre vie. Ouais, c'est ce qu'on appelle le cas des réfugiés. Ouais. Puis c'est là que ça vient encore plus embrouiller la question des immigrants non documentés. C'est que, bon. Il existe des conventions internationales qui disent que tout pays doit... Quelqu'un qui fait la demande d'être considéré comme un réfugié doit donner un certain délai à cette personne-là pour être reconnu comme un réfugié. Ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui se pointe dans ton pays puis qui dit « Bonjour, je fais une demande de réfugié, de statut de réfugié », ben tu peux pas l'expulser tout de suite. T'es pas obligé d'y donner grand-chose, mais tu peux pas l'expulser tout de suite. Puis là, ça, il y a tout un débat à savoir, on devrait-tu améliorer cette loi-là? C'est-à-dire, généralement, ces gens-là se retrouvent dans des espèces de limbes pas croyables. Un des défauts de ça, c'est que, ben, présentement, les situations qui produisent, entre guillemets, beaucoup de réfugiés, ben, c'est des crises humanitaires et ou des guerres dans les pays d'Afrique. Et ce que ça fait, c'est que ben, ces réfugiés-là, puis c'est soit des épidémies, comme je disais, des guerres, il y a une couple de pays qui sont il y a la Somalie, entre autres, là, qui a plus de gouvernement, en fait. C'est une espèce d'anarchie style Mad Max, là, là-bas. Là, c'est des seigneurs de guerre, des trucs comme ça. Les gens quittent ces pays-là, se retrouvent dans des pays à côté. Le problème, c'est que souvent, ben, c'est les pays à côté, ça va pas y avoir mieux. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, c'est que l'idée, c'est que le premier pays qui te reçoit après que t'as quitté ton pays, ben, c'est eux autres qu'il faut qu'ils évaluent. Puis là, bon, il existe des canaux diplomatiques entre certains pays pour les transférer ailleurs, mais on va se le dire, les réfugiés africains vont pas se rendre au Canada s'ils n'ont pas eu un peu d'aide, s'ils n'ont pas un peu d'argent déjà pour se payer un billet d'avion, et ainsi de suite. Alors que nous autres, on a peut-être plus la place d'en ramasser. En fait, le Canada, c'est un des pays les plus généreux là-dessus. Parce que là encore, il existe deux types. Une fois qu'on donne le statut de réfugié à quelqu'un, on va avoir deux types là encore. Le réfugié temporaire, c'est-à-dire on te loge en attendant que tu peux se retourner dans ton pays. Ou, OK, c'est assez le bordel dans ton pays pour l'avenir prévisible que... On va te permettre de t'installer, on va t'aider à rebâtir ta vie ici puis tout. Le Canada, on est un des rares pays, en fait, puis les pays en question qui font ça se comptent sur les doigts d'une seule main, en fait, présentement dans le monde. Il y a nous autres, puis il y a une couple de pays scandinaves qui le font, c'est à peu près tout. D'accepter, de vraiment permettre aux réfugiés de s'installer puis de rebâtir leur vie ici puis tout. Fait que, ce qui arrive, c'est que ces réfugiés-là, on s'entend-tu que quand ils quittent leur pays, ils n'ont pas le temps là, d'aller faire, puis souvent, ils n'ont même pas la possibilité de le faire, de se pointer dans une ambassade, puis de remplir les paperasses, puis d'attendre une couple d'années que le Canada fasse « Hey, là, on a de la place pour toi de gagner à la loterie de l'immigration, on peut te prendre, là. » Et c'est pas ça qui arrive, c'est on the spot. Donc, puis même affaire pour les gens qui arrivent aux États-Unis ou qui arrivent n'importe où en Europe, si ça a été plus vrai en Europe, parce que de l'Afrique à l'Europe, ça se fait. Les fameux radeaux que je parlais auxquels je faisais allusion là, 2 minutes, c'était ça. Ce qui arrive avec ces immigrants-là, ben, c'est qu'ils se retrouvent dans les limbes un peu pendant un certain temps. Puis là, ben, ils demandent le statut de réfugié. Puis des fois, le statut de réfugié, il n'est pas donné parce que c'est quand même assez strict. Faut vraiment que leur vie soit en danger imminent s'ils retournent dans leur pays. Là, des fois, ils se font déporter, mais beaucoup de pays considèrent que c'est pas très... C'est pas beau de les déporter. L'image est pas bonne. L'image est pas bonne parce que là, tu fais un... Tu sais, il y a la coercition passive, c'est-à-dire empêcher les gens de rentrer, mais c'est qu'il y a la coercition positive, entre guillemets, puis pas dans le sens qu'elle est bonne, mais dans le sens que tu poses vraiment un acte. Ouais. Une fois qu'ils sont arrivés... Actif, là, mettons, la coercition active, c'est de les pitcher dehors une fois qu'ils sont rentrés. Puis ça, c'est un petit peu plus laid que de les empêcher de rentrer. Mm-hmm. Fait que bref, ça pour dire que la situation, quand on parle d'immigrants illégaux, premièrement, il faudrait arrêter d'utiliser ce terme-là, ça veut dire des non-documentés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paperasse de rempli pour être selon les canaux officiels désirés par le pays d'accueil. Mais ce que j'essayais de montrer un peu, c'est que leur situation n'est pas nécessairement moins authentique, mettons, ne nécessite pas... n'est pas moralement inférieur à un autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix de m'amener. On vit pas dans un monde parfait où que tu remplis ton papier, tu le mets en poste puis tout se règle. C'est ça, les canaux officiels, ben, c'est des canaux qui sont très, très stricts. Il n'y a pas de grand débrouillage sur ces canaux-là. Hein? C'est ça, exactement. Non? Ben, je suis d'accord. Ben, je veux te féliciter, Mathieu. T'as pas fait beaucoup de blagues malaisantes. Ça commence sauf celle-là, hein? Sauf celle-là, ouais. Hein? Puis même là, c'était pas tapé. Ouais, c'est ça, ça passait. C'est le début de la session, je suis encore correct. C'est ça. Ça fait quasiment une demi-heure que je parle. Il a bebu son café, c'est pour ça. Ça commence trop tôt, pas eu le temps d'aller à la chasse avant l'émission. T'as compris, c'est pas ouvert? Bâtard. Bref, comment on file avec la nouvelle case horaire de 7h? Ah, on file, ouais. Ça va bien. Ouais. On va continuer ça la semaine prochaine et toutes les semaines. Ouais. La semaine prochaine, ça va être une exception, je pourrais pas être là. Bon, fait que là, il y a eu un retard et une absence en deux semaines. Ça va très bien pour Sébastien. Comme j'aime le dire des fois, un philosophe, c'est comme un sorcier. Ça n'arrive jamais en retard ou en avance, ça arrive à l'heure où ça veut arriver. Oh, que c'est beau. Référence à Gandalf. Mais on est très content de t'avoir, très content que tu sois là pour une quatrième année, on pense, on dit ça au hasard un petit peu, mettons, et que tu nous amènes des sujets importants comme ça, c'est cool. Donc, à la semaine prochaine, toujours les lundis à 7h en début d'émission. Ouais. Merci Sébastien Abigartin. Merci à vous. On prend une pause. Oui. Au retour, qu'est-ce qu'on a? Mathieu va avoir son café. C'est ça. Mathieu va avoir son café, voilà, au retour. Exactement. Et on fait ça en direct, à la radio. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Aujourd'hui pour toi, aujourd'hui. Hier, c'est lundi 18 septembre 2017. Mathieu Plante et Tania Baudin. Dans quelques instants, on continue ça avec d'autres bons sujets. Mais avant, voici White Horse et Pink Kimono. I got things, things, things I wanna do to you. You, if you wanna do me too. Ooh, all the things I wanna do to you. I got more, more, more I wanna do to you. You, yeah, you know it's up to you. C'est Pink Kimono. Assemblage requis. On maintenant va faire. Oui. Tu manges mon cœur. Ah, ok. C'est la chronique où on vous donne nos coups de cœur, nous, les co-animateurs d'Assemblage requis. Et si tu me permets, Tania, je vais commencer cette fois-ci. Ben oui, certainement, vas-y. Donc, aujourd'hui, moi, je vous parle de Milo. Est-ce que tu connais Milo? Milo, ça me dit quelque chose? M-Y-L-O. T'as peut-être entendu parler de ça à un moment donné, ça faisait le tour à un moment donné des réseaux sociaux, mais je pense pas que ce soit très populaire encore, et en fait, une bonne raison pour laquelle c'est pas super populaire, c'est que c'est quand même assez difficile d'entrer dans le système. Oh, d'accord. Ouais, Milo, en fait, c'est une petite application sur iOS, entre autres, qui vous permet de vous ramasser un petit fonds d'urgence. On a tout le temps envie d'avoir de l'argent un petit peu pour arrondir les fins de mois, faire un voyage, peu importe, et Milo, ben... c'est une façon d'économiser de l'argent sans vraiment avoir à y penser. Donc, une fois que ton compte en banque est connecté à Milo, M-Y-L-O, encore une fois, à chaque tu vas faire, un peu comme chez CIBC, tu as sûrement vu la publicité arrondissée au prochain dollar. Oui, bon. Oui. Donc, à chaque fois que tu vas acheter quelque chose, comme disons à l'achat de galerie, j'achète quelque chose à 2,57, ça va arrondir à 3 et ça va prendre la différence et le mettre dans un compte d'épargne. Et tu choisis ton propre profil d'investisseur. Comme moi, j'ai choisi un profil d'investisseur. Genre, je suis pas super riche. Je veux vendre tout pour réduire les pertes si jamais il y a quelque chose qui se passe en bourse. Tout ça pour du revenu additionnel. Donc, ça va faire le moins de risques possible en mettant ton argent en bourse. Oh, OK, je comprends. Okay? Et si t'étais quelqu'un qui est un petit peu plus casse-cou, ouais, et que ça te dérange pas d'avoir une grande fluctuation... Finalement, c'est comme un conseiller financier. C'est comme un conseiller financier. Mais par application. Exactement, c'est pas mal ça. Donc, tu collectes ton compte de débit et tes cartes de crédit, comme je l'ai fait, et là, il y a tout un processus qu'il faut qu'il confirme ton identité en envoyant genre un compte de quelque chose. Et pour vrai, le principe est super le fun, mais la façon de commencer, pour moi, a été très difficile et j'aurais pu facilement abandonner. On s'est renvoyé des courriels avec Milo pas mal souvent. Jusqu'à temps que finalement ça finisse par fonctionner. Et même là, alors que ça fonctionne, ma banque, un petit icône à côté dessus disant que c'est pas complètement connecté, mais ça fonctionne. Comme disons, là, si je vais dans mes transferts, mes arrondissements précédents, jusqu'à maintenant, lundi, et ça fait des transferts tous les lundis à partir de ton compte de banque. Mm-hmm. Donc la semaine passée, le 13 septembre, j'ai déposé 9,33$ d'arrondissement. La semaine avant, le 4 septembre, 9,49$, 15,33$, des trucs comme ça. Ça fait quand même un mois et demi que j'utilise l'application. Et c'est ça prend ton argent tous les lundis. Donc les achats que tu fais pendant la semaine dans tous tes comptes que tu as inscrits dedans vont être arrondis, il va le retenir et à la fin, le lundi, il va prendre ton paiement. Évidemment, c'est de l'argent qui va être sorti de ton compte de débit. Donc si tu as moins de 25$ dans ton compte de débit, il va pas faire la transaction. C'est ce que j'ai appris à mes dépens après les premières semaines où j'avais arrondi plein d'argent mais il l'a pas pris. Il faut que tu ailles décocher dans la nouvelle version une petite case qui dit protection, genre quelque chose comme ça. Et si tu as ta carte de crédit liée à ton compte de débit, il va pouvoir te laisser aller en dessous et prendre ça dans ta carte de crédit. Tu comprends? La sûreté de ta banque peut être contournée, c'est si bien. On veut. Donc, moi, j'ai dit comme objectif, mettons que j'avais... là, je commence très, très simple quand même. J'ai dit je veux 1 000$ de fonds d'urgence. Donc, je suis rendu à 1%, 18,82$. Je viens de commencer. Ça y va avec des cents et c'est avec des cents que ça va finir par faire des piastres. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Des cents qu'on fait des piastres. Exactement. Et... La façon que Milo devrait devenir rentable un jour pour eux, espérons-le, c'est qu'ils demandent, je crois que c'est 1$ par mois qui va être soustrait de ton total pour venir payer Milo. Donc si disons jusqu'à maintenant j'ai fait 10$ par semaine, fois 4 semaines, 40$, ils m'enlèvent 1$, je m'en fous un petit peu. Mais comme j'étais dans la bêta à la base de Milo, mon plan ne coûte rien. C'est bien 1$ par mois, je viens de vérifier. Moi je paierais parce que j'étais sur la bêta, ça fait vraiment longtemps que le produit est en test avec la communauté. Donc au moins j'ai cet avantage-là. Mais si vous vous inscrivez maintenant là, vous allez juste avoir à payer 1$ par mois, ce qui est vraiment pas grand-chose. Pour économiser sans avoir à le faire volontairement, tu sais que quand t'as un compte en banque, puis qu'il faut que tu mettes toi-même de l'argent dans un compte à côté, ça peut devenir un petit peu... moi je le fais pas. OK. Puis après ça, quand j'ai de l'argent dans mon compte d'économie, je fais « Ah, j'ai besoin de cet argent-là! » Puis là, tu le remets dans l'autre. Je suis pas capable de faire ça. Donc, en le faisant avec une application comme Milo, c'est vraiment plus simple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Bon, ils sont là pour vous aider. Hein. Ils ont une petite section « Aide » et ils me répondent tout le temps en français, je crois, si je me trompe pas. En fait, je sais que c'est fait au Canada, mais je crois qu'ils sont basés à Montréal. J'aurais dû vérifier avant. Je crois que oui, parce que j'ai googlé, puis c'était marqué Montréal. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai Chloé qui m'a répondu à mes petites questions. Et en plus, c'est que tu réponds directement au courriel dans l'application Milo. OK. C'est super, super bien fait pour ça. Et tous les renseignements sont là par rapport à tes anciens arrondissements, les arrondissements qui s'en viennent, pas les arrondissements, mais les prélèvements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Comme là, aujourd'hui, prochain transfert le 25 septembre, parce que mon transfert a été fait aujourd'hui le 18, lundi. Ça se fait dès le matin, ils prennent tout de suite le... Il est revenu à zéro là, directement ce matin, donc je peux commencer une nouvelle semaine d'achat impulsif, comme je sais si bien le faire. voilà pour Milo, M-Y-L-O. Super simple, sauf vous inscrire. Non, c'est ça, exactement. Faut juste faire une petite. Je pense que c'est un compte de quelque chose d'officiel avec ton adresse dessus. Il faut que tu leur envoies un spécimen de chèque parce que ta banque ne leur donne pas les informations requises étant donné qu'ils sont pas une banque. Ouais, c'est mais ils ont le même niveau d'encryptage que les banques. Donc, tu peux t'assurer que ton argent va être entre bonnes mains parce qu'ils servent des mêmes engins que les banques pour garder votre argent en sécurité. Dit-il. En tout cas, à date, j'ai pas vu de gens se plaindre. J'ai vu que des gens en parlaient en bien de Milo. Ouais. J'espère que ça va durer. Avec leur petit 1$ par mois par personne, d'après c'est moi, c'est quand même pas mal. Ouais. Ça a du sens. Milo, voilà. À ton tour. Mathieu, quand j'étais jeune, je voulais absolument devenir genre une badass, OK? Une badass. Ouais. Je voulais être capable de pouvoir mettre des méchants en dedans puis tout ça. Casser des genoux. Exactement. Casser des genoux, j'étais vraiment très bonne là-dedans. Mais il y a une série télé. Je vais probablement peut-être aussi donner l'idée à Steph Paradis si jamais elle veut l'écouter elle-même et nous en parler. Chroniqueuse télé, les jeux exactement, du matin. Savoir ce qu'elle en pense. Mm-hmm. Mais je vous parle un petit peu de Shadowhunters, qui est une série télévisée américaine qui a été développée par Ed Dector et qui est en onde sur les ondes, sur les chaînes, sur Netflix, depuis 2016. Mm-hmm. Et la série, c'est une adaptation de la série littéraire La Cité des Ténèbres, qui a déjà eu un film aussi, qui est une franchise, en fait, des chroniques des chasseurs d'ombre de Cassandra Clark. Et au Canada, bien sachez-le, si jamais ça vous intéresse, là, c'est diffusé sur Netflix en version française ou américaine. Et on parle d'une jeune adulte de 18 ans qui vit à New York avec sa mère et qui étudie l'art. Et je dois dire que mon coup de cœur, en fait, ça a été de voir des acteurs québécois dans cette série télévisée-là, dont Maxime Roy, qui joue la mère de l'adulte, mm-hmm. en fait. Et on la voit à plusieurs reprises dans cette série-là. Donc, lors d'une série, d'une soirée dans un club new-yorkais, ben, elle assiste au meurtre d'une femme par trois jeunes étrangers qu'elle voit, en fait, et par la suite, il y a un de ces personnes-là qui tue un homme par accident. Sauf que de retour chez elle, elle se rend compte qu'elle n'était pas censée voir ces gens-là, parce qu'on lui a posé la question « Attends, tu nous vois? Que se passe-t-il? » Et de retour chez elle, bien justement, sa mère lui révèle leur véritable nature, qui ils étaient. Elle est descendante d'une longue lignée de Shadowhunters, donc de chasseurs d'ombre, des chasseurs de démons, mi-ange, mi-homme. Ça me fait penser un petit peu à Buffy the Vampire Slayer, si vous me posez c'est la un question. Ça. Exactement. Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a pas trippé sur Buffy puis Angel? Encore aujourd'hui? Je pense pas. Donc, avant de pouvoir lui en dire plus, il y a des hommes qui viennent les attaquer et qui poussent sa mère à devoir téléporter la jeune fille et sa mère se fait enlever. Donc, je suis à la première saison présentement. J'ai dévoré les 9 premiers épisodes. Là. Je dois avouer que mon vendredi soir, je l'ai passé sur mon sofa à regarder Netflix au lieu d'étudier parce que j'étudiais en même temps. Mais ça va devenir ta nouvelle façon de faire cette année, exactement, je pense. C'est de la procrastination très bien placée. Donc, on fait la rencontre d'un jeune club de Shadowhunters, justement. On est rendu comme une espèce d'équipe. Il va y avoir, bien évidemment, des hauts et des bas, considérant le fait que tu étais une adolescente normale. Et là, du jour au lendemain, tu es rendue une tueuse de démons. Mm-hmm. C'est sûr que ça joue pas mal dans ce qui est ton entourage normal. Donc, on a plusieurs acteurs qui étaient plus ou moins connus du monde du petit écran. On en a plusieurs qui ont joué dans des films, entre autres Dominic Sherwood qui joue un des rôles principaux que lui on a déjà vu dans des films de vampires. Là, on se ramasse à être un Shadowhunters. Mais vraiment, j'aime cette émission-là pour le côté justement que tout à l'heure je disais, ça me fait penser à Buffy the Vampire Slayers. Je trouve que c'est basé un petit peu de la même façon. La troisième saison va arriver en 2018, sachez-le, pour ceux qui ont trippé sur la deuxième saison. J'ai pas encore terminé la première, mais j'ai déjà hâte d'être rendue à la deuxième. Et là, j'ai su qu'il y avait une troisième. Donc, tu sais, comme... C'est quand tu sais que ça va arrêter. Ben, surtout que sur Netflix, tu vois combien qu'il y a de saisons seulement. Donc, tu vois les émissions qui ont arrêté après 2 saisons. Tu vois les séries qui ont arrêté après 3 saisons. Tandis que là, c'est le fun. C'est très, très le fun de voir qu'il va y avoir une troisième saison, que ça va être excellent. Et j'espère qu'on va voir de plus en plus Maxime Roy, qui est l'actrice québécoise qui se retrouve dans cette série télévisée-là, parce qu'elle est excellente et c'est rare qu'on va voir cette actrice-là au petit écran ici au Québec. À ailleurs que dans des pubs d'auto. Ailleurs que dans des pubs d'auto, parce que justement, ils travaillent beaucoup du côté américain. On l'a comme délaissé, on dirait, quand tout ça s'est arrivé. On dirait qu'on a un petit peu honte de nos Québécois qui vont qui font bien à l'international, à part si ça s'appelle Karine Vanasse. Donc, de ce côté-là... Ou Caroline Avernas. Ou Karine Avernas aussi. Donc, de ce côté-là, je trouve ça vraiment bien. Ou Xavier Dolan. On pourrait continuer longtemps. En effet. Je trouve ça vraiment bien de voir une Québécoise dans cette série télévisée-là. Ça a été acclamé. Puis pour tous ceux qui ont trippé sur Buffy the Vampire Slayer, ben, allez écouter une jeune fille qui tue des démons. C'est merveilleux. Tu te sens... badass et... par procuration. Exactement. Tu veux devenir une chasseuse de démons. Un jour, Tania, tu seras ça. Tu veux voir s'il y a un double sens à tout ce qui se passe normalement. Tu vois? C'est ça. Je te le souhaite. Travaille fort, c'est, tu vas c'est ma série du moment. Donc, je le donne en conseil à Steph, bon. Si jamais elle veut... Ça de liste doit déjà être très, très long. Exactement. Mais OK. Shadowhunter sur Netflix. Oui, merci. Sur Netflix ou Freeform, c'est une chaîne de télé que j'ai. C'est l'ancien ABC Family aux États-Unis. Exactement, donc ça joue aussi sur Freeform si ça vous intéresse du côté anglophone et que vous l'avez. Ben non, vous l'avez pas, je vous l'annonce. Mais... voilà. Voilà. C'est tout pour Tu manges mon cœur, nos petits coups de cœur de la semaine à Assemblage Requis. On s'écoute une autre pièce. Tantôt, on avait entendu Makala avec Piscine Privée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles sorties musicales, mais je sens une thématique. Mm-hmm. Voici Eman et Vlooper avec La Plage. Oh. Sur ces. Les mains sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui est nouveau l'anticipe. Ce réflexe humain normalisé. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien ici. Je parle juste de l'eau, je parle juste de mêlée. J'ai l'impression que je suis le déclin de mon sommeil. Que je te regarde quand je pense à paix. Dans ton wallet, tes amis sont juste barrés. Tu veux que tu demandes un jour, c'est qu'ils sont passés depuis une manette. Marche tôt ton wallet, vie en parle d'un toilet. Qui colle dans le col quand tu payes des dates, tu lâches la palette. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que tout ce qui est nouveau l'intéressite. Ce réflexe humain normalisé. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Flex like banana. Nigga said I love banana king Salome. See what it took the month of cyber. That's all the summon up in only. Stack cooked only. Shorten a little only. Black pattern. That's all the summon up in only. Stack cooked only. Shorten a little only. Black pattern. Everything outside, already rich. Wife and the kid. You wanna bet? Moi j'veux du zéro. Entrelacé comme le signe de l'infini. You wanna shoot them? I wanna love. Retenu par des chaînes dans le fond d'une piscine. Mais qu'est-ce que vous dire? J'm'entoure de mes frappes et de ma famille. J'fais cap à them for de vous autres. Fait j'suis là dans mes amplis d'empire. Comme un seul homme face à le funny shit. Y'a personne de meilleur, y'a personne de pire. The future's now. Je vois dans le fond des yeux des kids. Who got the keys for me, brothers? Like damn, prêt à perdre leur vie pour des dollars. Chili, me hype, the game hype, the players. Just call me pas quand tu marches avec ton lama. J'veux pas être dans les bases de photos dans le cover. Un poète qui te rap ses phrases up on the record. T'as pas être genre prêt ton prix ou Ben Mandela. J'ai fait ça pour les young kids, c'est des vieux enfants. Le monde sont tellement frileux ici. J'ai l'impression que ce qui est nouveau l'intéressite. Ce réflexe humain normalicite. Quand je pense à le bas, je trouve qu'on est bien mieux ici. Yeah, yeah, but Santos, Fred. fraîche que moi. C'est un mat sur le bled, j'ai un docteur en soi. J'ai un bac dans le street, pis une maîtresse en Corse, dont sur c'est de ses parents. J'ai pas bien me croire faire d'envie. À l'école, c'est plate, fait que j'ai commencé à se faire. Ça me donne l'impression d'être quelque chose d'autre qu'une bête dans un enclos, un mouton. Yeah. Get no bad, flip cop, ben get no bad, c'est good. Dans ce bloc, j'suis en premier gars, get down, broke mon berno. Combien de temps touche, gros père, moi j'parle aller-retour. J't'en fais pas, j'ai compris le spin, gros comme clash. J'vais t'apprendre, c'est ton coup, man. Yo. Get no bad flip cup. Get my mama. We ain't get no bad steady good. Get my mama. Dans le temps splash champagne good. Get my mama. Get down broke mon père low. Get my mama. Le premier jour des calades tellement fouette et c'est impossible de refaire. Get my mama. J'ai toujours semi passé sans avoir fait mes devoirs. J'ai vu la fin du monde dans le fond d'un backfire. J'ai vu la fin du monde dans un crack à soin Saint-Charles. J'ai tellement souvent vu la fin du monde que ça fait. À chaque rayon soleil qui perce, moi j'ai comprendre. Y'a personne d'aussi fraîche que moi. C'est un mat sur le bled, j'ai un docteur en soi. Eman et Blooper avec La Plage. Assemblage requis. Retour! Changement de plan, finalement, Xavier Miquelet, je vais être avec nous à 9h. Ben oui. Ouais, donc, dans quelques instants, ce sera les instructions d'assemblage. Ouh. C'est fou, 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki avec Mathieu Plante. Et Tania Baudin. Oh oui! En ce lundi 18 septembre 2017. On a dit tantôt que Xavier Miquelet va être avec nous à 9h, donc on va se faire les instructions d'assemblage dans quelques instants. J'ai tellement faim le matin, j'ai l'impression que je mangerai un poulet cru. Ah, Mathieu! Quoi? Tu peux aller faire ça au Japon. Arrête donc. Je te jure. J'aurais jamais deviné. C'est dégoûtant. J'ai dit ça complètement au hasard. Mais... il y a des gens maintenant au Japon qui mangent ça comme si c'était des sushis. Peut-être qu'ils n'ont pas de salmonelle là-bas. Par non, contre. En fait, ça dit juste que si tu fais du sashimi de poulet, c'est-à-dire que tu le coupes très très mince et tu vas le saisir pour 10 secondes, OK? 10 secondes ou tu le fais bouillir pendant 10 secondes, ça va avoir le plus petit taux de contamination à la salmonelle. Mais les clients sont quand même avisés qu'ils mangent ça à leur risque et péril. Oui, c'est comme un chili-kiro. Tu signes une petite feuille, ça se peut et tu meurs. Hey, franchement. Tu sais, depuis la nuit des temps, on dit mange pas du poulet cru. Mais avoue que c'est peut-être bon. Peut-être pas la texture pas certaine, non, non, non, j'avoue. Du tout. Ouais. Tu sais, je pense que je préfère un sashimi de thon qu'un sashimi de poulet cru. Ouais, mais tu sais, hein, on connaît pas ça, on sait pas. C'est gélatineux, là, du poulet cru. Prochaine grosse pointe dans le dress, là. Non, non, tu le feras tout seul, OK? Ah, bref, miam. Maintenant... comme on l'a dit, c'est le moment de se donner des conseils de vie dans les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage où on se donne quelques conseils pour mieux vivre. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Commençons avec les façons de se déplacer. Est-ce que tu utilises genre Google Maps, Apple Maps souvent. Pour te déplacer? Bon, donc Google Maps. Si j'ai pas de GPS dans ma voiture, c'est comme mon meilleur ami. Oui, c'est mortel sinon. Hein? C'est sûr que je me rends pas à la bonne place. Donc on peut maintenant dans Chrome. C'est pas s'atténiser, mais inscrire quelque chose pour réussir à avoir des directives pour se rendre d'un endroit à un autre, donc directement dans Google Chrome. C'est plus difficile sur le desktop, sur l'ordinateur de bureau, que sur le téléphone d'habitude. Donc dans Chrome, tu vas dans paramètres et puis dans gérer les engins de recherche. Et à côté de autres engins de recherche, tu vas pouvoir ajouter Google Maps en allant sur l'article que j'ai mis sur assemblagerequis.com avec l'adresse et le mot-clé map, par exemple. Et maintenant, quand tu auras besoin d'une map d'un endroit à un autre, tu vas pouvoir faire map, espace, bon, mettons, je sais pas, 540 Boulevard Saint-Louis à UQTR maintenant, et avoir tes directives à suivre directement dans votre ordinateur de bureau. Voilà, c'est super bien fait, mais il faut l'ajouter à la main. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des directives si vous voulez aller en transport en commun, à la marche ou à vélo, en suivant un peu les mêmes instructions. Ensuite, on nous dit qu'on ne devrait pas juger un produit par le nombre de critiques qu'il a. Quand j'achète quelque chose sur Amazon, principalement, c'est tout le temps ce que je fais en premier. On se fie là-dessus vraiment beaucoup. Là. Classé par les cotes. On n'a pas le choix. Faut bien se trouver une façon d'avoir le meilleur produit, non pas, je sais pas, un citron. Hein? Les gens vont souvent regarder le nombre de critiques que quelque chose a pour déterminer si l'article est aimé. Par exemple, si un produit a une cote de 3 étoiles avec 12 critiques et qu'un autre 3 étoiles avec 300 critiques, j'ai plus de chances d'acheter l'article qui a 300 critiques, même s'il est plus cher, parce qu'on se dit qu'il est plus populaire et qu'il va être meilleur que celui qui a moins de critiques. T'es d'accord avec moi là-dessus? Je suis très d'accord. Donc, une étude maintenant publiée par le journal Psychological Science, selon Quartz, nous apprend que la plupart des gens sont comme ça. Ils vont vouloir acheter celui qui a le plus de critiques pour déterminer la popularité de quelque chose, mais c'est pas ça que ça veut dire du tout. Statistiquement parlant, un produit populaire en fait plus de chances d'être un produit de moins bonne qualité que celui qui a moins de critiques. Par exemple, dans le cas de deux produits similaires avec une cote de 3.1, un qui aurait 29 critiques et un avec 154, celui qui est plus critiqué, que dans le sens qu'il y a plus de critiques, et non pas critique négative, plus de critique, va avoir une chance de, va avoir 40% de chance d'être meilleur que le produit qui a seulement 29 critiques. Pourquoi? Parce que les gens ont plus de chances d'aller critiquer un produit négativement sur Amazon, donc le nombre de critiques va être affecté. Hein? Donc les gens ont 90% plus de chances de l'acheter parce qu'ils percevaient que c'était meilleur. L'étude dont l'auteur est Derek Powell, qui est chercheur en psychologie à l'Université Stanford, a regardé 15,6 millions de critiques de 350 000 produits différents dans le catalogue d'Amazon. Lorsqu'un produit a une tonne de critiques mais une cote médiocre comme 3, la seule chose que ça devrait vous dire en tant que client, c'est que c'est certainement un produit médiocre. Mm-hmm. Et de l'autre côté, si le produit a présentement la même critique mais moins de critiques, il y a une meilleure chance en fait d'être un meilleur produit en général parce qu'il n'a pas été regardé par, il y a pas, dans le fond, il n'y a pas eu de critiques négatives qui ont été postées dessus, ou moins en tout cas. Donc, l'étude parlait spécifiquement de Amazon, mais c'est bon pour n'importe quel magasin en ligne. Donc, regardez plus des produits avec une meilleure cote en général et moins le nombre de critiques pour comprendre si un article devrait être acheté par vous. Voilà. Ensuite, quoi dire lorsque t'as pas de réponse lors d'un entretien d'embauche? Si on te demande c'est quoi ton plus grand défaut? Oh, cette question-là, là. Ouais. J'avais de répondre, j'en ai pas. J'en ai pas, je suis parfaite. Hey! Bon. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu à, mettons, 30 ans, là, pis ça fait déjà comme, je sais pas, un bon 15 ans que tu travailles dans ta vie, là, pis t'as changé d'endroit quand même assez souvent. Hey, t'es-tu pas tanné de te la faire poser, cette question-là, rien que peu? Ça pourrait être, je sais pas, j'ai de la misère à parler en mal de moi-même. Mon défaut. J'ai un trop gros ego. C'est ça. Bref, on te demande de partager des expériences de vie, des capacités, des aptitudes qui sont reliées à ton emploi quand tu passes un entretien d'embauche. Mais bon, des fois, tu n'as pas de réponse à leur donner. Et les experts chez Career Tools Podcast nous donnent un exemple de réponse qu'on pourrait donner pour rediriger la conversation à des aptitudes reliées et des expériences que tu aurais dans d'autres sphères. Par exemple, donc, on devrait personnaliser... Par contre, oui, on devrait personnaliser ça à sa propre façon d'être, à sa propre... et à l'entreprise pour laquelle vous postulez, bien sûr. Donc, en général, on devrait reconnaître le fait qu'on n'est pas capable de répondre à la question spécifiquement. Donc, il faut clarifier que tu connais pas la que tu sais que ta réponse n'est pas ce qu'ils recherchent, Donc sinon, tu vas avoir là quelqu'un qui, avec qui c'est difficile de communiquer ou que tu as de mauvaises aptitudes d'écoute si tu ne reconnais pas le fait que tu réponds pas à leur question spécifiquement. Ensuite, tu devrais leur donner des expériences ou des capacités et aptitudes qui sont reliées en une ou deux phrases, d'écrire comment ce que tu leur donnes est similaire à ce qu'ils ont demandé, même si c'était pas exactement la réponse à leur question, pour que tu aies l'air qualifié. Mm-hmm. Et tu devrais leur demander s'ils aimeraient entendre parler d'expériences dans d'autres domaines. Donc par exemple, si ton c'est l'exemple, ben c'est ça, on devrait dans le fond, c'est ça, on devrait juste trouver d'autres sphères dans lesquelles répondre. Ouais, c'est pas pire. Pas pire, quand même. Ensuite, allons-y avec comment utiliser son tapis de bain correctement. Est-ce que tu as un tapis de bain? Oui, mais comment est-ce que tu peux utiliser ton tapis de bain d'une mauvaise façon? Ben justement, oui. En fait, oui. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas correctement. Le consensus, mais là, j'ai peur, selon certains gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont terminer leur douche, ils vont sortir sur le tapis de bain, mm-hmm. ils vont prendre leur serviette et ils vont ensuite se sécher. Ben ouais. Ce qui fait que le tapis va être tout mouillé pour la personne après toi. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Je fais pas ça. Ça va aussi faire que tu vas avoir plus froid pendant que tu vas t'assécher. Ben oui. Hein? Donc, il y a, ben, bien sûr, il y a différentes personnes qui font ça différemment. Là. Mais la réponse, celle qu'on devrait utiliser, c'est de terminer sa douche, prendre la serviette de l'intérieur de la douche, s'assécher dans la douche et puis ensuite sortir sur le tapis, ce qui était déjà ma façon. Donc c'est ça que je fais. C'est ça que tu fais finalement. Ben, tu vois, oui. Moi aussi, au début, je pensais que c'était la première chose que je faisais. Mais non, c'est vraiment la deuxième. Dans le temps, quand j'habitais toujours chez mes parents avaient une douche à porte. Oui. Puis les gens, je me suis déjà fait poser la question, pourquoi il y a tout le temps une serviette accrochée sur le bord de ta porte? Mm-hmm. Et non pas sur le pôle pour glisser. Ouais, ouais. Je dis, ben, parce que ça va beaucoup mieux pour la prendre directement dans la douche. Là, les gens comprenaient pas. Ouais. Là, je suis là, ben quoi? Et t'es là, ouais, mais t'as un pôle. Ouais, mais ça implique que je dois ouvrir la porte, me geler pour aller la chercher et partout. Revenir. Absolument pas, faut pas faire ça. Aussi, on nous conseille d'enlever l'excès d'eau sur le corps et sur les cheveux, oui. Avant de se sécher, bien sûr. Et de garder la porte, par exemple, de la douche bien fermée pour rester au chaud. Bon, vous voyez. Et hein? On commence en séchant le haut et ensuite le bas. Voilà. Ensuite de ça, se retenir d'éternuer. Oui, à la radio, tu t'empêches d'éternuer. Oui. Pour pas éternuer en ondes, je comprends ça. Mm-hmm. Est-ce que tu connais le conseil d'appuyer sa langue contre le palais? Non, mais là, j'essayais de le tester. Ben oui, mais là, tu peux pas te... Ben, c'est parce que j'avais... Ouais. Est-ce que t'as un sachet de poivre proche de toi? Non. Ben, quand que je fais ça... c'est ça que je fais déjà. Tu touches déjà la langue dans ton palais? Ouais. Wow. Je viens de réaliser que quand que... Ouais. Ah ben, je me bouge pas le nez. Tu peux aussi te chatouiller la langue avec, te chatouiller le palais avec la langue. Ah non, mais ça va me faire achumer. Je sais pas. Donc, ah on dit non, que ça chatouille. C'est une question de surcharger le cerveau de choses peu importantes pour calmer, donc je sais pas. Pour te changer d'idée. Te changer les idées, voilà. Donc une manœuvre qui peut t'aider aussi à combattre un gel de cerveau quand tu prends de la slush, par exemple, et aussi pleurer sur des oignons. Aussi, si tu veux éternuer, tu peux regarder le soleil. Ça va seulement fonctionner pour environ un tiers de la population. C'est un truc qui date de l'époque d'Aristote. C'est vrai. Eh ben. Dans Google Chrome, t'as tout le temps, une fois de temps en temps, en tout cas, une vidéo qui se met à jouer tout seul. Et là, mm-hmm. tu vas voir le petit icône avec un haut-parleur. Tu vas aller sur la page, tu vas cliquer sur la vidéo pour qu'elle arrête de jouer ou sur le SoundCloud ou peu importe. Tu connais la technique d'aller sur l'onglet, de faire pause. Là. Mm-hmm. Mais savais-tu que tu peux cliquer droit sur l'onglet offensant et cliquer sur couper le son de l'onglet? Eh, hein? Moi, ça a changé ma vie comme conseil. Donc, t'as pas besoin d'aller dans l'onglet. OK. Avant, pour aller faire pause, si mettons qu'il est en train mais de jouer. Mais voyons, non, je savais pas. Tu cliques droit sur l'onglet avec le petit haut-parleur dessus et tu fais couper le son de l'onglet. C'est super simple. Donc, allez voir dans votre Google Chrome. Moi, je le vois ici, le couper le son de l'onglet. Là, je l'ai. Là. C'est même pas en bêta, je l'ai en ce moment. Wow. Apparemment, c'était en bêta avant, mais ce n'est plus. Ensuite, comment savoir si quelqu'un n'a pas répondu à votre demande d'amitié sur Facebook? Ouais, t'as beaucoup de fans qui t'ajoutent sur Facebook et eux devraient... Apprends pas ça au monde, là! Ah, il y a tout le temps des gens... Hey, je suis désolée, là, il y a plein de gens qui vont m'haïr si tu dis ça. Ah, t'es une vedette de la radio, c'est normal que tu réponds pas à tout le monde, là. Ta page s'appelle perso, là, hein? On a tout le temps quelqu'un de l'école secondaire ou quelque chose que tu veux pas vraiment reparler à cette personne-là. Donc, je m'excuse. Tu laisses en suspens. Ouais. T'as l'impression que c'est plus de respect que de le refuser et le bloquer. Hein? C'est vrai. Ou des fois, t'as vu sa demande, mais tu l'as ignoré. Je fais juste le laisser, là. Tu laisses en suspens. Il y a plein de gens. Ils le verront jamais, ils le sauront jamais. Hein? Et c'était la personne qui a envoyé la demande. BuzzFeed nous dit qu'on peut en fait voir qui vous a laissé en suspens comme ça. Donc, pour voir les demandes d'amitié en suspens, il faut cliquer sur l'icône d'amis. Là, tu sais, c'est les deux petites personnes, comme ça, en haut de votre page Facebook, à la place où vous voyez les demandes d'amis. Et vous cliquez sur « Trouver des amis ». Une page va se charger avec toutes les personnes qui attendent présentement une demande pour devenir votre ami. Il y a un bouton « View Send Requests » en haut. Je ne sais pas ce que c'est en français. Si on clique là-dessus, on va voir les demandes que tu as envoyées, mais qui n'ont pas encore été approuvées. C'est ça. Ça arrive. Des deux côtés, on voit les demandes que toi, tu as en suspens, et les demandes des autres qui sont en... Ouais. Voilà. Tu le vois? Tu le vois beaucoup, hein? Oh, j'entends les clics. Il y en a beaucoup. Combien de dizaines? Combien de centaines? Oh, t'es en train de les compter, hein? Je suis présentement à 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Et ça, c'est les gens qui t'ont demandé en 55, ami. 55, 56. Je m'excuse auprès de 56 personnes. Depuis combien de temps? Quelques jours. OK, on a dit ça. J'ai le chiffre exact ici en haut, 71. Ah, donc t'avais mal calculé. C'est parce que j'ai pas cliqué sur continuer. Pouet. Je suis désolée auprès de 71 personnes. Fallait liker ma page publique si jamais. C'est ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle privé perso. Oui. Ils pourront pas t'inviter à un festival, ces gens-là, cet été, non. L'été prochain. Est-ce que t'as déjà eu une petite passe de festival qui a été prise à ton poignet, que t'avais pas de ciseaux pour l'enlever? Tu comprends que je travaille dans le domaine de la course automobile. Ouais. Des bracelets comme ça, là. Je pense que je suis née avec ça autour du poignet. En fait, je pense que tout le monde en a eu un à la naissance. Puis on en a déjà toujours un que même si tu te laves, mm-hmm. tu sais, la couleur s'enlève, mais tu peux pas le déchirer. C'est pas plaisant. C'est pas mon genre de bracelet les plus plaisants. Et le pire là-dedans, c'est quand tu veux le prêter à quelqu'un. Mettons que t'as une passe pour un festival, une passe de 3 jours, et tu veux que ton ami puisse utiliser ta passe pendant une journée. Mm-hmm. Il faut que tu sois capable de l'enlever, de la remettre sans la couper. N'est-ce pas? Et ça se fait, Tania. OK. Ça se fait. Donc, enlever un de ces bracelets-là peut être un exercice de peut-être rapetisser votre poignet en rentrant les pouces et les doigts. On a tous déjà essayé ça. Ouais. Pour contorsionner. Casse-tu le pouce, là? Mais non, ouais. Le meilleur truc, en fait, est de mettre ta main dans un sac de plastique. Hein? Un sac de plastique. Et tu vas tirer le fond du sac en dessous du bracelet. OK. Et ensuite, tu vas tirer le sac par-dessus ton poignet et tu vas tirer vers... c'est ça, ouais, vers ton poignet, vers ton écoute, poignet. C'est juste que la main va te devenir blanche, t'auras plus de sang, mais écoute, tu vas avoir réussi à enlever ton bracelet. Ben, c'est ça, il y a une petite vidéo de démonstration d'environ une minute sur assemblagerequis.com. On voit donc que le dessous, le bas du sac, passe à l'intérieur du bracelet, mm-hmm. donc en dessous, là, entre le bracelet et ton poignet, et qu'ensuite, il va tirer sur le sac pour faire passer le bracelet à l'extérieur du bras, et ça fonctionne très très bien. On le voit qu'il a même pas l'air de souffrir en tant que tel. Le sac doit, j'imagine, tirer sur le matériau de ce bracelet-là. Ben, Moses! Et ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de très bien fonctionner. On dit, en fait, que le truc fonctionne pas à l'envers. Donc tu peux pas le remettre facilement sur le bras. Okay. Donc, si tu le passes à une personne, il faut t'assurer que la personne a un plus petit poignet que le tien. C'est ce que ça nous dit. Ouais. Voilà. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1125 si ça vous intéresse. Ensuite de ça, on était rendu à quand tu t'en vas en vacances. Il y a des gens qui vont encore prendre des vacances au début du mois de septembre. Ça mm-hmm. peut arriver à la mi-septembre rendu là. Donc, vous devriez mentir dans votre petite réponse automatisée pour éviter de passer du temps sur votre téléphone pendant vos vacances. Ah! Les vacances, c'est fait pour se débrancher, mais ça peut être difficile quand tu transportes tout le temps ton travail sur ton téléphone. Oui. Évidemment. Donc, on ajuste notre petit message automatisé. C'est le coach de carrière Regan Walsh qui suggère ça à Harvard Business Review, que même si vous prévoyez regarder vos courriels une fois de temps en temps, vous devriez dire aux gens que vous allez avoir un accès limité aux courriels et de vous attendre à une réponse plus tard, peu de temps après votre retour. Donc, c'est ce que vous devriez faire, même si on vérifie nos courriels quand même une fois ou deux par jour. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous allez être libre de pouvoir regarder vos courriels quand vous le voulez parce que vous allez avoir dit aux gens que vous allez y répondre seulement à votre retour. Simple truc, qui est... C'est pas nécessairement un... Ben, c'est peut-être pas un mensonge de dire mais que non. tu vas répondre en revenant. C'est pas un mensonge. Mais non. Mais de dire que tu auras un accès limité à tes courriels. Exact. Peut-être que tu peux dire honnêtement, je ne vais pas regarder mes courriels parce que je suis en vacances. J'espère que vous comprenez. T'sais? Je sais pas. Ensuite, hey, savais-tu que tu peux télécharger Wikipédia au grand complet sur une clé USB? Hein? Mais voyons non. Je te jure, les articles que tu pourrais passer ton temps à lire en vacances, justement, ça pourrait c'est le fun, là-dessus. Ça? Ouais. Donc, Wikipédia, bon, c'est pas nécessairement la source préférée de tout le monde. C'est de plus en plus fiable, mais quand même. Ça s'appelle, c'est une application à source libre qui s'appelle Zoa. C'est une façon de télécharger ça. Mais il y a un processus encore plus facile, en fait, créé directement par Wikipédia qui crée un téléchargement de sa base de données régulièrement. Littéralement, le fichier est là et vous pouvez le télécharger n'importe quand. Donc, le fichier est disponible à n'importe qui le veut. Ça peut être pour créer un miroir de Wikipédia, donc sur un autre serveur. Ça peut être pour utilisation personnelle, pour faire des backups de Wikipédia ou pour faire des recherches quand vous êtes hors ligne. Le fichier présentement pèse 14 gigs non compressés ou 58... Non, pardon. C'est 14 compressés, 58 non compressés. Ça peut entrer en masse sur une clé USB de 64 gigs ou de 32 gigs, dépendant. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est aller voir le site sur assemblagerequis.com. En fait, c'est sur Wikipédia. Là, ça s'appelle Database Download. On sauvegarde ça sur une clé USB et tout fonctionne très bien. Ensuite, comment entendre de quoi comment votre voix sonne pour les autres? Hein? Je suis pas sûre que j'aime ça. Nous, en tant qu'animateur radio, évidemment, on est au courant de comment notre voix sonne parce qu'on a l'accès à nos fichiers audio et on n'a pas juste les découper pour les meilleurs moments. Hein? Mais bref, c'est ça, des fois, tu peux... Ça t'arrive peut-être d'écouter une reprise de ton émission. Oui. Sinon. Et là, tu te dis, ah, ma voix sonne-t-elle vraiment comme ça? Je me dis tout le temps, en fait, ah, c'est pas le même son que lorsque j'entendais... Dans tes écouteurs. Dans mes écouteurs. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est le coach vocal Chris Beatty qui explique qu'en fait, on peut avoir on peut trouver une façon de s'entendre nous-mêmes, même si on ne fait pas de radio. OK. OK. Donc, c'est une question de vibration dans l'oreille et dans la tête. On peut s'enregistrer, bien sûr, sur le téléphone ou de d'autres façons, mais c'est pas la meilleure façon. On nous dit, en fait, d'utiliser deux enveloppes, deux trucs de dossier pour mettre des feuilles dedans, ou sinon des magazines ou des morceaux de papier. Et on va les placer devant ses oreilles, sortant sur le côté de la tête, ce qui va bloquer, en fait, l'envoi de votre son vers l'avant et vers vos oreilles. Donc, à la place, ça va vous permettre d'entendre vraiment ce que les gens entendent. Wow. Tu vas entendre vraiment de comment tu sonnes. C'est ce que ça dit. On dirait que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi. On va aller voir la petite vidéo. Hein? Coach vocal, vocalcoach.com, Chris Beatty. On va avancer un petit peu. Chris Beatty here for Vocal Coach with a practical tip to help you become a better singer and become more aware of your voice. So here's the question. Do you know what your voice sounds like to others? I mean, what does your speaking voice sound like to others? What does your natural default singing voice sound like to others? Tu trouves? The fact is, most of us don't know. Vous étiez vraiment semblable dans votre ton de voix, dans mes oreilles en tout cas. OK, donc il prend ces deux dossiers. Ouais. I'm going to use these file folders. J'ai du son à gauche, c'est la même chose pour vous à la maison. Go ahead and look around where you are right now. Donc, regardez où vous êtes en ce moment. Et trouvez des magazines, comme j'ai dit tantôt, quelques feuilles de papier. Quelque chose que tu peux mettre donc devant tes oreilles pour ne pas entendre le preview du son qui sort par le côté de la face. Now, when I talk to you like this, je vous parle comme ceci. It sounds just the same to you, ça sonne pareil pour vous, mais pour moi, c'est très différent. Because the sound is now going out in front of me, sort maintenant devant moi, around the room, autour and it's affected de la pièce, by temperature, est affecté par la température, humidity, par l'humidité, number of people present, par le nombre de gens présents, of carpet, just par all le tapis, these variables. Toutes ces variables. Et ensuite, around into my ear. Ça retourne dans and mes that's oreilles. What the listener et c'est ce que hears. La personne qui vous entend. So I want you to find something. Donc faites la même chose. C'est pas mal ce que j'avais dit. Finalement, on n'a pas appris grand-chose de plus. Là. On avait compris dès le départ. Mais bon, donc c'est un truc pour entendre comment les autres vous entendent. Voilà. Ensuite, pourquoi agacer votre partenaire romantique peut être une bonne chose pour votre relation? Tu sais, des fois, on spin, on se fait des petites blagues, des petites blaguettes entre personnes qui s'attirent l'une à l'autre. Donc, rire des autres, souvent, c'est une bonne chose dans un couple. Donc, c'est le professeur en psychologie Dacher Keltner qui nous explique qu'en s'agaçant comme ça, les couples peuvent approcher des sujets qui, sinon, seraient restés à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est impossible d'être en relation sans frustrer son partenaire, mais agacer l'autre vous permet de sortir votre frustration de façon... rempli d'affection, si on veut, tout en améliorant votre lien intime. Donc, c'est pas la même chose agacer l'autre que se moquer de l'autre. Non, c'est vrai. Rire de votre partenaire peut être un petit peu négatif, peut même avoir l'air méchant. Donc ici, on parle de s'agacer. C'est pas nécessaire, mais ça peut aider, nous dit-on. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, on utilise des hand warmers, les trucs pour réchauffer les mains. Les chauffe-doigts, ouais, c'est pas mal ça. Ça ressemble à des sachets de café. Exactement. C'est pour garder les batteries vivantes lorsqu'il fait froid. Oh. Il commence à faire de plus en plus froid, donc l'hiver qui s'en vient, et les batteries, des fois, vont perdre plus de leur puissance qu'à normal lorsqu'il fait très très froid. C'est un effet sur la chimie interne de la batterie, de la pile, mais avoir des chauffe-doigts comme ça pourrait vous aider à sauver vos batteries au froid. Donc ça vient d'un photographe qui s'appelle David Bergman, dont ses caméras de batterie à lui mouraient lorsqu'il allait filmer lors de froids jours d'hiver. Donc il mettait ses piles dans la poche de son manteau avec un petit chauffe-main, chauffe-doigts. Et Bergman suggère de ne pas mettre ça dans votre sac à dos parce que ça va probablement être trop froid lorsque retiré de la chaleur de votre corps. Donc en le mettant dans le manteau, Ça réchauffe avec votre corps comparé au sac à dos. Mm-hmm. Et on dit que c'est spécifiquement pour les caméras de batterie, mais le même principe pourrait s'appliquer à d'autres piles. Par exemple, si vous avez un iPhone, peut-être que ça pourrait fonctionner aussi. Un problème apparemment avec les voitures aussi. Oui. Mais je pense pas que ça fitterait avec les chauffe-doigts là-dessus. Par contre, on dit qu'on devrait garder une routine hebdomadaire pour ajouter de la flexibilité à votre horaire. Je me rappelle avoir fait un conseil similaire dans les dernières semaines où on disait de prévoir du temps pour différentes activités pendant la fin de semaine, sinon t'allais avoir l'impression que le temps passait trop vite si t'avais pas de plan. C'était ça le conseil, il me semble? Ouais. Ça ressemblait à ça il y a quelques semaines. Donc, ouais. Avoir une routine quotidienne, ça t'aide à développer de bonnes habitudes et à toujours suivre tes objectifs. Si t'as un horaire compliqué, comme nous deux, pas mal, ouais. On dit que forcer certains types d'activités dans chaque journée peut aller à l'encontre de la productivité, donc on devrait à la place avoir un horaire hebdomadaire. C'est l'auteur et podcaster en productivité David Kedavi qui nous explique que plusieurs de nos tâches productives pourraient être séparées dans un horaire hebdomadaire à la place d'un horaire quotidien. Donc, tu vas avoir un horaire quotidien pour, genre, te brosser les dents, etc., ouais. etc. Mais si tu travailles 5 jours semaine, tu devrais peut-être te faire un horaire où tu bloques le lundi et le mardi et tu laisses peut-être les choses ennuyantes à faire le vendredi, des trucs comme ça. Excusez. C'est ça, c'est... Ouais, ben c'est ça. Comme ça, tu mets mes prioritaires à bonne place. Exactement. Le début de la semaine est un petit peu plus productif que le dernier jour de la semaine habituellement. Exactement. Donc, ce serait de changer la structure de votre semaine, mais comme on le fait pas mal déjà nous deux, on n'apprend rien là-dedans. Mais peut-être que vous pourriez changer vos façons de faire. Nous, en fait, tout ce que ça nous prend, c'est plus de temps pour pouvoir dormir. Oui. Sans devoir se lever. Ouais, faudrait réserver la journée du samedi. Du jour où j'aurais plus besoin de mettre mon cadran le samedi puis le dimanche. L'agenda, ce serait samedi dormir. Exactement. Ensuite, on utilise la... Ici, ça pourrait être... Ça dépend de la boîte dans laquelle vos écouteurs venaient, là. Mais on dit d'utiliser la boîte de vos écouteurs comme rack pour mettre vos écouteurs sur le mur. Okay. Il y a des compagnies qui travaillent très fort sur leur emballage. Donc, on dit de ne pas jeter la boîte dans laquelle vos écouteurs venaient. Et vous allez avoir le rack pour monter vos écouteurs sur le mur le plus beau possible si votre compagnie d'écouteurs, bien sûr, fait ça. Et évidemment, il y a des écouteurs qui viennent dans des emballages de plastique. Ouais, c'est ça. C'est comme splatooner un peu. Bref. Sinon, vous pouvez, bien sûr, vous acheter un petit crochet IKEA et d'autres façons de faire pour accrocher vos écouteurs. Mais bon, ici, on a utilisé des crochets adhésifs et on a fait des trous dans la boîte pour mettre les écouteurs sur le mur. Je suis pas sûr que je ferais ça moi-même. Mm-hmm. Là, lui, il a une belle boîte, là, mais... Ouais, c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut absolument que tu t'assures que ta boîte est belle. Ça dépend de la compagnie, mettons. C'est ça. Ensuite, on nous suggère de laisser une pièce de monnaie dans une tasse, en fait, sur une tasse avec de la glace déjà dedans. Donc, on fait geler de la glace, on met une pièce de monnaie sur le dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour savoir si t'as manqué de courant pendant la journée. Hein? C'est vraiment du génie, en fait. C'est que la pièce... Regarde ton four, l'heure va flasher. Mais ouais, j'avoue, mais ça pourrait être juste une minute où t'as perdu du courant, alors que ouais. Ton réfrigérateur, ton congélateur, si t'as perdu du courant pendant une minute, tu le verras pas. Ça m'est déjà arrivé, hein. Je suis arrivée chez moi, j'avais une flaque d'eau devant mon réfrigérateur. J'ai capoté un petit peu. Voilà. Donc, si t'avais mis une pièce de monnaie sur une tasse avec de la glace dedans, mais t'aurais vu que ta pièce de monnaie était rendue au fond de la tasse. Donc, ça veut dire que t'as manqué de courant assez longtemps. Pendant longtemps, faire fondre ouais, la c'est glace, ça. Exactement. Et ensuite, que si le courant revient et que l'eau a regelé par-dessus la pièce de monnaie, ben là, tu sais encore que ça a duré plus longtemps la pièce de monnaie, alors que si elle est où elle était au départ, le courant est resté et quitté pendant quelques minutes ou quelques instants. Un truc pratique et facile. Ensuite, on va essayer de convaincre quelqu'un que votre idée stupide est vraie en la répétant encore et encore. D'accord. Ouais, on dit que lorsqu'on répète un mensonge assez longtemps, assez souvent, ça devient la vérité. Les psychologues appellent ça illusory truth effect, donc l'effet de la vérité illusoire. Et BBC Future nous dit comment ça fonctionne. Donc en tant qu'humain, on a tendance à croire que des choses qui sont on a tendance à croire des choses qui sont plausibles, voilà. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un dit quelque chose de ridicule et qu'il n'y a pas de source derrière ça, mais qu'on a l'impression que ça pourrait être vrai, ben on a tendance à le croire. Et plus la chose est répétée, ouais, plus ça a l'air crédible. C'est vrai. Hein? Donc, on ne passe pas notre temps à faire de la recherche. C'est peut-être ce qu'on devrait faire. Donc, si tu ne connais pas, par exemple, les gaz à effet de serre, si tu as une connaissance des effets de serre, disons que tu dis ça depuis 30 ans, quelqu'un qui répéterait que les changements climatiques ne sont pas réels n'aura pas d'effet sur toi parce que tu as déjà étudié le sujet. Okay. Parce que tu as la connaissance. Ouais. Mais si tu n'as pas la connaissance, ça aurait l'air vrai. Donc, tu prends ça pour la vérité. Ben oui. Tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu as déjà recherché comme information qui t'ont prouvé que c'était vrai. C'est vrai. Bon. C'est pas fou comme idée. Voilà. Ensuite, on va réduire la caféine qu'on prend et on va augmenter sa productivité avec une règle matinale. Je pense que j'en ai besoin de ça en ce moment, surtout avant de faire une chronique. Habituellement, ouais, je devrais commencer par un café. Donc, prendre du café avant de commencer votre journée, votre travail prioritaire pour être une bonne façon de commencer la journée. Mais ça pourrait en fait te ralentir et te rendre un petit peu plus stressé en même temps. Donc, tu arrives au travail, tu te verses une tasse de café et tu commences la journée avec des petites tâches jusqu'à ce que tu sois réveillé. Nous, évidemment, on n'a pas le choix de commencer très fort parce qu'on a des chroniques à faire, des chroniques à écouter. Peut-être qu'on va aller, sinon, lire des courriels. On va aller sur ses sites préférés jusqu'à temps qu'on arrête d'être grognon. Hein? Mm-hmm. Mais la première tasse de café pour après ça devenir une deuxième tasse, une troisième tasse. Et quand tu arrives sur ton vrai travail, ben là, tu es super excité, puis tu n'as pas de trembler, puis tu vas frapper un mur avant la fin de la journée. C'est pour ça que Jay Money, c'est le nom de la personne chez Budgets Are Sexy, recommande d'éviter le café ou n'importe quelle autre caféine avant de commencer votre première tâche prioritaire de la journée. Ça va vous forcer à commencer à travailler plus rapidement parce que tu vas vraiment vouloir du café après avoir commencé ta grosse tâche importante. Et ça va réduire aussi la caféine que tu vas prendre à travers ta journée. Donc, une ou deux tasses par jour devrait être tout ce que tu as besoin si tu commences à travailler avec une tâche importante et non pas des tâches qu'on commence la journée jusqu'à temps que la bonne humeur arrive. Ouais, c'est ça. Commencer par des grosses tâches. Prends du temps, ça. Pas sûr que je serais capable. Moi non plus. Ensuite, on va réussir à accomplir des tâches de façon plus efficace avec la règle des 2 minutes. On a tous repoussé des projets à plus tard, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Eh bien, on se donne un plan en 2 minutes pour agir. C'est une variation donc de l'idée qui s'appelle Just Start. C'est le nom de l'idée de la façon de faire qu'on enseigne des fois, où on commence une tâche tout de suite, comme ça on évite la procrastination, mais on ajoute un buffer, une zone tampon de 2 minutes pour penser aux choses avant de les accomplir. Donc la prochaine fois que tu auras une grosse tâche difficile, tu donnerais 2 minutes pour penser à un plan d'action et ensuite tu sautes dans ta tâche. Donc la limite de 2 minutes t'assure de ne pas faire de procrastination en passant plein d'heures à faire de la recherche ou à te poser la question de est-ce que je devrais commencer. Donc tu donnes 2 minutes pour réfléchir à ce que tu vas faire et bam, tu commences après ça et t'arrêtes plus. Tu focuses sur les prochaines étapes et tu attaques ta tâche. D'accord. En fait, c'est la règle d'un ancien Marine qui nous dit ça. La règle du 2 minutes. Et ensuite, est-ce que t'aimes les gifs animés? Ça dépend lesquels, mais ouais. Il y en a des bons, il y en a des pas mal. Il y en a des pas pires. J'aime bien ça. Ouais, moi aussi. Envoie plein à tout le monde. Moi aussi. Une chance qu'on peut faire ça de nos jours, ça empêche de taper des mots. On peut trouver des vieux GIFs du début du web sur le site GIF Cities. OK. Si tu as commencé à aller sur Internet dans les années 90, tu te rappelles des bons vieux GIFs. Ah mon Dieu, celui en construction. En construction, exactement. Il y en avait tellement. Ou des courriels avec une petite enveloppe qui tournait sur elle-même. Oui. Bon, bref, GIF Cities est un projet de l'Internet Archive pour célébrer le 20e anniversaire du site. Ils ont cherché, oui, dans les archives de GeoCities pour trouver plus de 4,5 millions de GIFs classique. Bien sûr, GeoCities était à l'époque un hébergement, un serveur pour mettre votre site web dans les années 90 et tout le monde mettait bien sûr des GIFs dessus. Il y avait une bande passante limitée et de la place limitée, donc on avait des GIFs très très minimalistes. Donc du vieux pixel art, des trucs de jeux vidéo, on n'utilisait qu'un petit paquet de couleurs et quelques images d'animation pour donc agrémenter les pages web. Donc gifcities.org, gifcities.org, ça vous intéresse d'aller voir ça, des vieux gifs animés. Voilà, c'est tout pour les instructions d'assemblage. On a fait 20 conseils, certains plus intéressants que d'autres. Et les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1125. On est rendu à la prochaine pause. Oui, et au retour, à ton tour, Tania. Oui. Et après ça, Xavier McLeish. Oh! Oh, bonne émission, ça! Oh. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Vous êtes dans Assemblage Rookie en ce lundi 18 septembre 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, justement, ça va être à ton tour. Tania, de quoi est-ce que tu nous parles tout à l'heure? Je vais vous parler, en fait, de ce qui s'en vient du côté de Montréal. Il y a des petites nouvelles qui sont quand même assez excitantes. Oh! Oh! De l'excitation, on aime oui. ça, on a besoin. Mais avant de faire Tania, ce gars d'entretenir, voici Walrus en anglophone avec In Timely Fashion. Assemblage Rookie. Au 89 FM. Avec In Timely Fashion dans l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage Rookie. Ah, une fille à la mode, une fille qui s'est fait dire ce matin, as-tu quelque chose de changé alors qu'elle a tout changé sur son corps et son visage? Pas tant que ça. Est rendue noire, non. Non. Elle est rendue brune, en fait. Oui, des cheveux, avec un toupette. Mm-hmm. Donc, c'est Tania Beaudin, voici Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. Oh, c'est lundi, on chante. She's gonna entertain Tania. Oui. Tania. Oui. Ça va bien. Ça va très bien. Oui. De quoi est-ce qu'on parle déjà aujourd'hui? On parle de nouvelles assez excitantes du côté de la ville Montréal. De Montréal. Ben oui. Alors, on peut pas se cacher que Montréal, c'est la grande métropole. Mmh. Quand même bien qu'on aimerait que plusieurs choses se développent dans les régions et tout ça. Reste que Montréal, c'est un petit peu, je vais pas dire la priorité, mais c'est pas mal là où les grandes choses se passent. Les choses se passent, ça se superpasse. Exactement. Au point où, on le sait en partant, que Facebook vit dans la vie de tout le monde. Mmh. Depuis pas mal une couple d'années, ouais. Mettons. On est rendu en 2017 et on continue à devenir de plus en plus gros du côté de Facebook. Pourquoi est-ce que je relie Facebook à Montréal? C'est parce qu'en fait, Facebook a choisi Montréal pour établir de nouveaux bureaux. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ça va être la quatrième ville haute pour le grand géant du web. Et après Microsoft, IBM, Google, bien, c'est justement rendu au tour de Facebook de faire son entrée dans la grande métropole québécoise. Et on a annoncé un petit peu plus tôt cette semaine que justement Facebook avait annoncé l'implantation d'un nouveau laboratoire de recherche dans la ville de Montréal. On le sait, Facebook, c'est cool, tout le monde trippe. Et là, c'est en plus... On a un bureau de Facebook dans la ville de Montréal, mais ça veut dire que ça va amener des emplois, ça, c'est sûr. Donc, il s'agit d'un laboratoire qui va être spécialisé en recherche sur l'intelligence artificielle, sachez-le. Et c'est officiellement le quatrième labo à voir le jour à travers le monde. On est en Californie, on est à New York et Paris pour le moment. Et là, on décide de s'implanter à Montréal. Principalement, l'équipe va travailler derrière c'est des recherches qui vont être composées de chercheurs et d'ingénieurs spécialisés dans l'apprentissage automatique. Donc, c'est intéressant de voir justement à quel point on décide de s'impliquer à ce niveau-là. Mais on le sait aussi, on n'est pas les seuls du côté de Facebook. Tout à l'heure, je parlais de Google, je parlais d'IBM. Eh bien, on est un petit peu reconnu pour ça au Québec, d'être excellent dans tout ce qui est un petit peu computers. Donc, c'est un petit peu en fait la raison du pourquoi Facebook s'est intéressé grandement à Montréal. On connaît tout ce qui est, par exemple... Ubisoft, tous les grands faiseux d'effets spéciaux et tout ça. Donc, on a des gens qui sont très allumés du côté de Montréal. On a des ingénieurs aussi qui sont penchés sur la question depuis plusieurs années par rapport à l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, c'est vraiment la raison du pourquoi on a choisi Montréal. Je trouve ça cool. Ben oui. On peut pas dire le contraire. Et Montréal, si on compare à New York, Paris et Californie, bien, ça va peut-être aussi nous-mêmes se mettre un petit peu sur la map à une plus grande échelle. T'sais, on le sait au Canada déjà et déjà en partant, Québec. Montréal, c'est pas mal... la tête d'affiche du Québec. Mais là, si on y va pour Facebook, être impliqué comme ça, bien ça veut dire que peut-être que certains vont se ramasser ailleurs aussi dans nos fameux petits chercheurs. Donc, c'est une belle porte d'ouverture, mettons, pour les gens qui sont en ingénierie, les gens qui sont chercheurs aussi. Et ça ouvre la porte à de très belles possibilités, en fait, ouais. Parce que si Facebook vient s'implanter ici du côté de Montréal, ça fait juste montrer à toutes les autres compagnies qui sont très, très in ces temps-ci que Montréal a quelque chose à apporter aussi et que les Québécois, surtout, ont quelque chose à apporter, chose que j'adore. Ouais, on joue sur le grand terrain, le terrain des grands. Exactement. Par la suite, deuxième nouvelle qui m'a intéressée du côté de Montréal et qui a rendu la chose assez excitante. C'est un petit peu un projet quasi futuriste. J'ai quasiment le goût de dire aussi, peut-être qu'Elon Musk a mis son grain de sel sur cette idée-là, considérant le fait qu'il est très, très inventif. Et ça sonne aussi Batman style, okay. Je trouve, un petit peu. Tu m'intrigues. Oui, mais en fait, il y a un train reliant Montréal à Toronto, qui devrait être bientôt bâti dans la ville de Montréal. Mm-hmm. Là, tu te dis, OK, ouais, puis tu peux prendre le train, là, on s'en fout. En fait, tu vas pouvoir faire Montréal-Toronto en 39 minutes. Incroyable. C'est fou. On s'entend, voyager entre Montréal et Toronto si rapidement, 39 minutes. Ça prend même pas ça, tu rentres de Trois-Rivières à Montréal avec en les voiture. Lumières, tout ça. OK, par l'autoroute. Mm-hmm. Donc, on parle d'un nouveau moyen de transport qui est appelé l'Hyperloop. Oui. Et c'est un train d'une vitesse supérieure à celle d'un avion qui va être implanté dans différentes villes à travers le monde. Et Montréal fait bien évidemment partie d'une d'entre elles. C'est quelque chose qui a été annoncé par Hyperloop One directement sur leur compte Twitter un petit peu plus tôt cette semaine. Alors, on parle de Toronto, on parle d'Ottawa, on parle de Montréal. Et on dit aussi que ça pourrait bien évidemment transformer les infrastructures du transport du côté du Canada, du côté du Québec aussi. On parle qu'on pourrait connecter 25% de plus la population canadienne par cette hyperloop-là. Vous savez, si vous avez des amis à Toronto et tout ça, vous vous dites tout le temps « ben, je monte jamais à Toronto voir mes amis parce que juste monter à Toronto, ça prend 6 heures de route. » Là, tu peux le faire en 39 minutes. Je pense qu'une fin de semaine à Toronto, ça va être pas mal plus facile à faire maintenant que ce l'était dans le temps. Donc, les États-Unis, le Mexique et l'Inde sont quelques pays qui ont également été choisis pour accueillir un train futuriste comme celui-là. Et si le système de transport ultra rapide est construit, bien, il y a des destinations qui vont être disponibles. On a parlé de Montréal-Toronto en 39 minutes. Ça veut dire 640 km. En 39 minutes. On parle de Toronto à Ottawa en 27 minutes et Montréal-Ottawa en 12 minutes. Wow! Donc, c'est un petit peu comme sortir ta carte opus, prendre le métro et te rendre à Toronto en dedans de 39 minutes. C'est vraiment bien. Si jamais ça vous intéresse, parce que c'est en anglais pas mal, bien, il y a plusieurs vidéos maintenant qui sont disponibles sur Internet pour vous expliquer ce qu'est l'Hyperloop. Mais ça ressemble... T'sais, je viens de parler du métro. Ça ressemble pas mal à un métro. Ça ressemble aussi à un train de banlieue. Si vous regardez ça du côté esthétique. Mais Montréal est une candidate sérieuse, justement, pour un lien dans ce beau projet-là. C'est pas encore signé. Là. C'est pas encore signé, mais c'est l'idée d'un projet Montréal-Toronto en moins de 40 minutes. On dirait quasiment un film de science-fiction, mais ça pourrait être de plus en plus proche, justement, de se concrétiser. C'est un nouveau moyen de transport originalement qui a été proposé par l'entrepreneur de renom Elon Musk en 2013. Mm-hmm. C'est lui qui avait vraiment mis cette idée-là sur la map. Et il consiste en fait en un tube surélevé dans lequel va se déplacer par électricité ou par magnétisme des capsules qui peuvent atteindre justement une vitesse de plus de 1100 km/h. Donc, vous allez avoir l'impression que vous êtes comme dans un tube voyageur, tout simplement, et ça va rouler extrêmement vite, mais tout ça par électricité ou par magnétisme. Donc, le lien Montréal-Toronto que propose l'entreprise couvre, comme je le disais tout à l'heure, une distance de 640 km. Ça inclut un arrêt à Ottawa. S'il le construisait, on serait donc capable de faire tout ça dans un temps assez record, merci. Et il travaille avec chaque équipe gagnante du défi international Hyperloop. Donc, il y a eu un concours. On a discuté avec des gens qui y participaient. On a discuté de la technologie derrière tout ça. Et on essaie de valider et analyser, bien évidemment, les propositions. On essaie aussi de faire beaucoup d'études sur qu'est-ce qui pourrait mal aller avec ça, qu'est-ce qui pourrait très bien aller. Donc, on essaie de voir les chiffres et on estime que l'achalandage initial pourrait mener des analyses de faisabilité technique. Donc, tout semble possible pour le moment pour qu'on puisse le faire. Il n'y a rien qui démontre un désavantage extrême qui viendrait battre tous les avantages qu'on a pour le moment. Donc, ça avoir mal au cœur en arrivant? Ben, peut-être que ça pourrait être un petit désavantage, on ne sait pas encore. La réalisation du projet, comme tu disais tout à l'heure, c'est loin d'être signé encore, c'est loin d'être garanti. Mais Hyperloop One assure que justement l'objectif de ces analyses-là vont être construites et ça va être les premières Hyperloops dans le monde si tout est sous contrôle. Et on n'a aucun autre projet canadien qui a été retenu pour le moment. Donc c'est le premier qui pourrait faire extrêmement parler. et qui pourrait être très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir l'impression d'être dans un tube voyageur. C'est immense. Ça ressemble un petit peu à une autoroute que vous allez pouvoir voir, par exemple, à Montréal. Vous avez les changeurs turcos puis tout ça. Ça a vraiment l'air de ça, mais finalement, c'est fermé. Et à l'intérieur, vous avez le train qui voyage extrêmement rapidement. C'est sûr que dit comme ça à la radio, peut-être que vous avez de la difficulté à vous l'imaginer. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Internet, surtout sur YouTube. Il y a des vidéos qui montrent à quoi est-ce que ça ressemblerait. Et c'est justement un projet qui est de style industriel, qui a été lancé en 2013. Donc, on a plusieurs choses à devoir voir par rapport à la... Je vais pas dire mécanique, là, parce que ça... Ben, quasiment mécanique, parce que ça va quand même fonctionner, ça va quand même rouler. Donc, dans un concept initial, en fait, l'Hyperloop, c'est un double tube qui va être surélevé, comme je le disais tout à l'heure, qui va avoir l'air d'être, par exemple, sur l'échangeur turco. Et ça se déplace dans des capsules qui va transporter des voyageurs et ou de la marchandise. Donc, on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses, sachez-le. Et l'intérieur du tube, ben, va être sous basse pression pour limiter les frictions de l'air. Les capsules vont se déplacer sur un coussin d'air qui va être généré à travers de multiples ouvertures sous des patins qui ressemblent un petit peu à des skis sur lesquels on va reposer le tube, et c'est ce qui va réduire encore les frottements. Les capsules vont être propulsées par un champ magnétique, comme on le disait tout à l'heure, qui va être généré soit par des moteurs à induction, soit par l'électricité ou par le magnétisme. Et selon ces promoteurs, bien, si on installe un système comme ça entre, par exemple, le centre de Los Angeles et San Francisco, bien, on préfère Los Angeles-San Francisco en 30 minutes, comme on va pouvoir faire, par exemple, Montréal-Toronto en 39. L'accélération maximum, pour le moment, comme on le disait tout à l'heure, ça tourne autour de 1100 km/h. Donc, c'est le plus rapide train qu'il pourrait y avoir sur Terre. Et on est beaucoup plus rapide qu'un avion qui parcourt cette même distance-là en 35 minutes, mais à une vitesse de 885 km. Donc, on serait en théorie vraiment beaucoup plus rapide qu'un avion, raison pour laquelle on serait capable de faire cette distance-là si rapidement. Et en pratique, la vitesse de la capsule va être limitée par celle du son. On parle d'un nombre de Mach qui va être sensiblement inférieur à 1, ce qui va permettre un écoulement facile de l'air autour de la capsule pour pas qu'il y ait de complications à ce niveau-là. Donc, ça va dépendre de la pression et du niveau de vide qu'il va y avoir autour de ce tube-là. C'est très, très poussé, bien évidemment. C'est de l'ingénierie. C'est des gens qui ont passé pendant de très longues années. Mais pour le développement d'Hyperloop, Elon Musk a encouragé l'aspect collaboratif de tout ça. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que ça avait été un concours, mais c'est qu'on a vraiment lancé là, ce projet-là à plusieurs personnes. On n'a déposé aucun brevet, mais ça a été fait de façon volontaire parce qu'on voulait les idées des gens. On voulait justement discuter avec les gens qui allaient avoir un mot à dire là-dessus. Et c'est chose qui a été fait. Donc, en 2016, il y a plusieurs sociétés qui se sont ramassées à travailler sur le développement de cette technologie-là. Anciennement, on appelait ça Hyperloop Technology Incorporated, mais maintenant, c'est juste Hyperloop One. Et la société canadienne Transpod est là-dedans depuis maintenant 2016. Donc, on se questionne, on essaie de faire toutes les recherches qui vont faire en sorte que le projet va être possible. Mais si on arrive à faire ça, c'est un concept qui est incroyable et qui va rendre le transport entre Montréal et Toronto incroyablement plus rapide et probablement aussi plus enjoyable, ouais. Si tu me permets le terme, parce que la 401, là... On va se le dire. C'est long, longtemps monter à Toronto par la 401. Surtout si on n'est pas du genre à vouloir prendre l'avion pour aller à quelque part. Quand tu dis, bah, c'est juste 6 heures, c'est beau, c'est correct, je vais le conduire. Surtout que ça te coûte pas mal moins cher qu'un billet d'avion. Bien là, reste à savoir quels vont être les tarifs, c'est justement, ça. Pour le Hyperloop. Est-ce que ça va être comme une carte puce? Est-ce que tu vas pouvoir t'acheter un billet? Est-ce que ça va être le même prix qu'un billet d'avion? Parce que considérant que ça va plus vite qu'un avion et que tu te rends là beaucoup plus rapidement... Est-ce que c'est considéré comme du transport en commun? Exactement. Est-ce que c'est considéré comme du transport en commun? Je pense que présentement, c'est ça qui reste à déterminer, en plus de tout ce qui est ingénierie derrière le projet. Mais c'est sûr que si ça se met en branle, si on décide de construire ce fameux tube-là qui va nous faire voyager comme... dans le temps, comme dans le futur, bien... d'après moi, il va y avoir un petit prix à tout ça. Ouais, et beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes, en effet. Vont vouloir en profiter du transport hors du commun. Ça sort de la science-fiction. Ouais, on aime ça. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania, je galère tout tous les matins à Assemblage requis. On écoute une pièce un petit peu comme passer dans un tube, comme t'as dit, avec ton Hyperloop. On passe dans un corridor cette fois-ci. Ouh. Avec le groupe Corridor et Coup d'épée à Assemblage requis. Au 89 FM. C'est fou. Avec un coup d'épée à Assemblage requis. Au retour, c'est Xavier McLeish et sa conique. Ouh là là. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour à Sondage Rocky en ce lundi 18 septembre 2017, Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Il reste une heure ensemble, on a le deux tiers de l'émission de fête, mais il nous reste le tiers, et c'est un méchant bon tiers. Oui. Un tiers qu'on aime faire avec Xavier McLeish qui s'en revient tantôt avec sa conique. On sait pas encore de quoi il nous parle, mais d'habitude, c'est pas mal niaiseux. C'est ça. D'où ben le nom. C'est ça que je m'en allais dire, d'où le nom. T'es. Il faut absolument faire un lien. On se mentira pas, hein? Mais non. Mais avant ça, on écoute... justement, il arrive. Mais oui. Ouais. Mais avant, on écoute The Franklin Electric, formation locale qu'on adore. Voici Burning Flame à Assemblage requis. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Hey, you can't find where the body goes. It's just like searching for the concept that takes you down an old forgotten road. It's been told, and it leaves you there hopeless, to show you how the water flows. To feel the empty hand of doubt is something like a stepping stone. When my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, where the bright light flickers inside. It's like a burning flame where my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt feeble like a burning flame, where the bright light flickers inside. You've been a charmer, a thief with a heart of gold, but you'd be the witness with your eyes, and tell me how to believe when you've been fooled. And you see them there, passengers in the body, hope they feel it too. And the wheels that turn open keep burning like an old steam train. But my heart fell deeper, I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, when my heart fell heavy, when I felt troubled, yeah, when I felt deeper than a burning flame. Band qu'on adore, c'est fou, des Franklin Electric avec Burning Flame. Ah, que c'est bon. Ah, maintenant, il attise notre flamme à chaque fois qu'on le rencontre. C'est comme une guimauve, sinon. Ah, wow. S'mores. C'est un s'mores à lui-même. C'est Xavier McLeish, voici sa conique. Un, deux, une, deux, trois, quatre. Feu de va-va. Feu de va-va. Aïe. Va dans moi. Où est la piscine? Splish-cloche. Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Non. Non, je parle pas français. Je parle clairement le gaélique. C'est ça, ben le oui, gaélique. Ben oui. C'est de la connerie. C'est de la connerie. C'est de la connerie. N'importe quoi. Du gros n'importe quoi avec Xavier McLeish qui est là chaque semaine pour nous faire rire un petit peu. Un petit peu, rendre ça plus ludique, hein, comme. Plus léger. Plus léger comme mission. C'est ça. Et je partirai un trip, c'est pas depuis quelques semaines, avec les personnalités. Oui. J'analyse. Puis je trouve ça drôle d'analyser le monde un peu comme ça. Puis tantôt. Juger le monde aussi. Ben oui, c'est ça. C'est surtout ça vient avec, tu sais. Et là, c'est ça. Et avec la VHS, mon émission qui commence cette semaine dans le même concept. Mercredi à 13h. À 13h, écoutez ça. Mais. Publicité parce qu'ils l'ont pas fait encore. Ben non, mais tu sais. Le gars est bien occupé. Non, non, pas bien occupé. Un petit mais non, non, il est fait. Le canevas est envoyé même à la prog. Oh, wow. Wow, c'est fantastique. Incroyable. Et cette semaine, je parle de Facebook ou des réseaux sociaux en général. Okay. Surtout Facebook, c'est lui que ça. Culture populaire. Ouais, c'est ça. On parle pas de LinkedIn. Et non, voilà, et voilà. Et qui dit que Facebook, on doit établir une base. Qu'est-ce qui est commun? Parce que la première personne que je vais parler aujourd'hui, c'est le commun des, okay, de tout le monde, t'sais. Des mortels. Ben, le commun des morons, comme j'appelle. Ouais, c'est un des moldus. Des moldus. Des moldus. En fait, je pense que cette personne-là, elle a des photos d'elle, mais pas trop. Ouais. Elle a ses amis proches. Mais pis, pas trop. Mais pas trop. Pas trop. Tu comprends? C'est le commun. C'est la personne qui. Pain blanc margarine. Elle est en couple, mais tu sais pas avec qui, mais c'est marqué en couple. C'est ça, ouais. elle a comme pas mis sa vie privée, comme pas encore à l'aise sur Facebook, mais au moins. Elle est là, puis elle va répondre. Tu textes, mais c'est pas, elle est pas accro à Facebook. Comment ça? C'est moi, le commun. Ouais. Maintenant. On va aller au-dessus puis en dessous. Ah, okay. Au-dessus, en dessous. En dessous? Ben oui, il y a ceux qui l'ont puis il va pas. Ah, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a l'agent de la CIA. Ça, c'est Mathieu. Hey, pour vrai? Ah, moi, je pensais plus Tania. Tu sais, il réussit. Tu dis, hey, j'ai croisé un gars au bar hier. Il était blond aux yeux bleus. Il s'appelle. Ça, c'est Mathieu. Ça, c'est moi, ça, ouais. C'est Mathieu. Okay. Je pensais que c'était un profil privé. Okay. Il s'appelle Vincent Rainville. T'es comme tabarouette. Qu'est-ce qui c'est qui. Wow, tu sais, comme mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu dis, ben, tu sais, je connais lui qui a déjà parlé avec. Là... Moi, je demande à Mathieu. Puis là, il réussit. Un apprenti stalker. C'est non, ça. Mais c'est un... je te jure, il peut trouver le gars qui a vendu la cigarette au voisin du frère du cousin. Tellement. C'est... Ça, c'est les agents de CIA. Un gars qui connaît pas mal tout le monde. Mais aussi, en même temps, aussi, son... Oui. Son profil est quand même caché, tu sais. Ah, ouais. C'est ça. Parce que lui, il veut pas se faire trouver comme ça. Oui. Parce que tu sais les techniques que tu utilises. Tu veux pas que les autres les utilisent contre c'est toi. Ça. Mm-hmm. Et voilà. Ouais. Et t'as son ami qui s'appelle l'agent secret. L'agent secret. Secret. Okay. Ouais. C'est qu'il n'y a pas son nom à lui sur Facebook. Ah oui. sa photo de profil, c'est la moitié de sa face. Oui. Comme juste un coin pour pas qu'on le reconnaisse. Lui, il y en a beaucoup sur Spotted et QTR. C'est vrai, hein. Tu sais, il veut pas se faire trouver, mais en même temps, il est pas tant Facebook, tu sais. Il commence à connaître tout le monde, puis il y a beaucoup d'amis que personne connaît. Il s'appelle. C'est vrai. Tu sais, comme, t'es comment, c'est qui, tu sais? C'est qui ça? Il connaît tout le monde. Mm-hmm. Il connaît tout le monde, mais par Facebook, jamais dans la vraie vie. Hey, on s'est déjà parlé. Ouais. Sur Facebook. Ouais. Comme, OK. J'avais sûrement pas répondu. C'est ça. J'avais sûrement pas. La demande était en suspens. Ouais, c'est la demande. Clic droite. Clic droite. Ah, oh, ça n'a pas rentré dans la bonne. Dans la bonne box. Ben, c'est ça. Hey, je l'ai pas vu. Là, on est allé un peu au-dessus, tu sais, les deux qui sont vraiment là. Et là, je m'en vais dans mes préférés. Ceux qui sont en dessous du commun des mortels. OK. T'as le skidou. Le skidou. Le gars, il n'y a pas une photo de lui sur Facebook. Il a son skidou. Ça arrive, ça. Sa photo de couverture, c'est 4 skidou. Sa photo de profil à lui, c'est un logo d'équipe de hockey. Ça, t'as quelqu'un de spécifique en tête. Avec la bannière de France qu'il a oublié d'enlever depuis les attentats. Oui, nous sommes la France. Nous sommes la France. Tu sais, I'm Charlie, là. Oui. Il y a 12 amis, mais 12 amis populaires, genre Marie-Lou Wolfe. Mais tu sais, personne, tout le monde sait c'est qui, mais personne en même temps c'est qui. Ouais. Il porte son vrai prénom. Fait que mettons que c'est la meilleure personne pour engager, tu sais, mettons que tu vas dans les entrevues, tout ça. C'est un skidou. C'est comme. Ajoute-moi sur Facebook, c'est quoi ton nom? Il donne son nom, tu veux. C'est toi? Ah oui, c'est moi. Comment tu veux que je le sache que c'est toi? C'est ça. Mais au moins, le gars, il n'y a rien de négatif pour qu'il ait la job. Non, mais on s'entend. Mais lui, ce gars-là, il n'a pas compris. Il est un peu. Il y a quelqu'un d'autre en dessous de lui, on s'entend. lui. Ça s'en vient. Il sent. Oh, mon préféré. Puis, tu sais, il est sur Facebook, il va te répondre, il est là. Mais tu sais jamais si c'est vraiment à lui que tu parles. Uh-huh. C'est vrai. Ou hein? au skidou. Ou au skidou. Puis là, t'as ton ami de fille qui sort avec un skidou. Oh mon Dieu. Elle sort avec les Canadiens de Montréal. Hey, tu sais, oui, parce qu'ils sont en couple ensemble sur Facebook. Mm-hmm. Puis elle a plein de photos de lui. Oui, c'est lui. Ça. Le lui, il a pas de photos de lui. Puis elle le tag pas. Oui. Fait que c'est comme, j'étais avec Skidou, tu sais, puis il doit refuser les tags. Il bloque les tags, ça. Il y a jamais de photos de lui, mais tout le monde a des photos de lui, mm-hmm. sauf lui. C'est vrai. Le seul moment où Skidou se fait dévoiler, c'est à sa fête. Oui. Parce que tout le monde poste les photos les plus laides qu'ils ont de lui dans son cellulaire. Mais il a pas caché sa fête dans son profil. Non, je pense pas. Parce qu'il sait juste pas comment changer sa photo de profil. Je pense qu'il a son problème. Il est juste pas assez avancé. Il y a même depuis genre que Facebook a été créé. Non, mais il a oublié d'enlever Je suis Charlie. Là. C'est ça. Imagine. Il a changé sa couverture de garçon, c'est marqué 2 mai 2008. Mais quand je change de skidoo, il y a toujours sa photo la plus récente de son skidoo. Oui, oui. Il y a des photos de son skidoo, mais jamais de lui. C'est ça. Ses posts, c'est belle journée de ride ou incroyable la journée en snowboard. Puis on voit juste ses pieds. Ouais. Puis wow, la game ce soir. Genre, quelle ouais, quel game, puis on voit la grosse. Le sandbell. Ouais. Bon. Là. Là, on va au fond du baril. Là, écoute, je l'appelle grand-maman. Grand-maman. Elle écrit en majuscule, je pense, ça. Hein? Elle écrit en majuscule. Elle souhaite des bonnes fêtes sur son propre profil, là. Ses cousins, ses cousines, ses nièces, ses tantes, ses filles. Écoute, elle a tellement une grosse famille que toute sa famille passe sur Facebook, mais c'est son profil à elle. C'est ça. Bonne fête à mon fils, mais t'as 8 fils, là. Ouais. Lequel, tu sais? Oui, mais c'est parce que la plupart du temps, ils sont pas capables d'aller voir les profils des gens. Ouais. Ils sont mêlés aussi parce que quand tu postes quelque chose sur ta page et que ça apparaît sur leur fil d'actualité, ils pensent que tu leur écris à eux. Ah non, ma grand-mère est. Ah non, est, y a moi, la mienne. Là, c'est moi, bon. Moi, je pense que je suis plus bas que ça. Là. Moi, je pense que c'est la personne qui t'envoie 34 demandes de Farmville en même demi-heure. Celui-là. C'est la personne qui a 30 photos de tout le monde, tous ses amis, mais c'est toujours elle qui prend la photo. Ouais. C'est vrai. C'est comme sa photo, c'est toute sa gang d'amis, mais elle a pris la photo, fait qu'elle est pas dessus. Mm-hmm. Et sinon, si elle a une photo, quand tu fais next, c'est encore la même photo parce qu'ils n'ont pas compris que oui. tu peux revenir à une ancienne photo sans avoir à la réuploader. Oui. Exactement. C'est tout le temps la même. Ou c'est... sinon, c'est une photo avec un cadre blanc parce qu'ils l'ont scanné sur le scanner et ça ne sait pas comment accroper. Oh. Mais t'as aussi la personne qui a la photo. Admettons, on voit le drapeau de la France. Mm-hmm. Fait qu'elle va enregistrer la photo pour soutenir la France, mais c'est pas sa face qui est en arrière du filtre. Moi aussi, je veux soutenir la France, puis elle met son petit filtre. Tu sais, quand il y a eu les attentats à Québec, il y a plein de monde qui avait des photos d'autres mondes. Comme ouais. Ah, pas vrai? Ben, j'ai vu ça sous, mais comme les grands-parents. Là. Ah, okay. Dans le mode, c'est, ils sont trop... Ils n'ont pas compris qu'il y a une application pour mettre des filtres. C'est ça. Ouais. Ils ont 20 photos, puis là, ils ont découvert les filtres sur Internet de chiens, là, mm-hmm. comme Snapchat. Fait qu'ils ont une photo de chien. Comme... avec leur filtre à eux, au moins c'est leur face, mais à tous les jours, ils vont changer leur photo. Mais tout ce qu'ils veulent pas faire, c'est pas changer la photo, c'est d'en mettre une autre sur Facebook. Ouais. Puis là, ils cliquent sur photo, next, puis ils en prennent une avec leur face. Ils mettent des descriptions de leur repas sur Facebook, ces personnes-là, avec un acronyme dans le bas, genre « Aujourd'hui, moi et Marc, nous avons mangé du poulet, puis c'est genre un sauté de légumes qui est affiché à l'écran. » Tu sais qu'on a pas pris la bonne photo parce que dans ses images, elle avait pas mis mosaïque. Elle avait mis les petites lignes encore. Ouais. Oui. Fait que là, elle voyait pas. Ben, je pense que c'est hier, minuit, elle voit l'heure, c'est midi. C'est spécifique, ça, comme fait problème. Genre, non, mais c'est ça. Elle met ses descriptions de repas sur Facebook. Elle dit à ses enfants qu'elle les aime. Ben oui, mais ses enfants n'ont pas nécessairement Facebook parce qu'ils ont 6 puis 3 ans. Non, mais, tu sais. Et s'il y avait Facebook, il serait pas mal pareil comme les grands-parents parce qu'on sait que la mentalité ou la façon d'exécuter les bonne choses. Bonne fête, Marc. 13 ans aujourd'hui. T'es comme OK, Marc, es-tu sur Facebook? Non. Puis là, t'as le papa qui commente. Merci, je lui transmets le message dans les commentaires qu'elle a mis sur son propre profil. C'est aussi la fille qui va te renvoyer des spams. De description. Elle a tellement ajouté de monde sur Facebook, cette mm-hmm. personne-là, qu'elle a tous les hackers dans ses amis. Oui, c'est ça. Pas comme. Dans des amis, suggestions, c'est tous les hackers. Là. Ouais. Suggestions d'amis, c'est juste eux qui est là. Puis les autres ont tous le même nom de famille. Mettons, c'est une Lessard. C'est genre Claudie Lessard, Marc Lessard, Jean Lessard. Parce que toute sa famille est là sur Facebook. Puis t'as son chum qui est comme un Tremblay. Ben oui. Fait que t'as un Tremblay dans la gang. C'est comme si. C'est vrai. C'est la seule personne qui les a mis. Moi, je trouve que ces personnes-là sur Facebook sont le fun à suivre. Ah ouais? Moi, je sais pas, mais je m'abonne à eux. OK. Juste pour voir à quelle fois. À quel... Même si t'y connais sans pas. Sans les demander en ami. Non, mettons, quelqu'un que je connais, je l'ai enlevé de mes amis. OK. Et là, je la suis. Fait que mon cellulaire me donne des notifications à toutes les fois qu'elle poste une niaiserie. Fait que ça me permet de détendre ma journée. Ouais. Parce que, tu sais, je vois qu'elle a posté 3 fois le même repas sur Facebook. Ah. En disant qu'elle est retournée aux l'Asiatique. Oui. Puis elle ne réussit pas à taguer l'Asiatique parce qu'elle a fait 2 fautes dans le nom du restaurant. Moi, ça me fait rire. C'est comme ça détend ma journée. Je me dis, criff, merci. Tu sais, je suis moins pire que toi. Ça te prend pas grand-chose. Non, mais je suis moins pire qu'elle. Tu sais, parce que moi, je suis un peu une newfie des réseaux sociaux. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Je sais pas Twitter. Ah ouais? Pourtant, t'es né là-dedans, ayant 12 ans. Ouais, pourtant. Mais c'est que, tu sais, je me dis, hein, c'est ça. Je me dis, tu sais, moi, je suis un peu agent caché, là. Ouais, CIA. Non, je ne vais pas chercher, je me cache. Ah, OK, OK. OK, ouais. C'est comme... Top secret. Ouais, un peu top secret. Le programme de protection des témoins. Tu y vas, mais tu commandes jamais rien. Non. Tu likes rien. Je quoi, like un peu. T'as posté une photo à un moment donné de quelqu'un d'habillé drôle, là. Oui. Ouais. Oui. Tu me rappelles de ça. Oui, c'est marquant, tu vois, comment ils passent pas souvent. Mais il y en a comme ça, hein, qui sont pas... tu sais, qui sont pourtant nés dans la génération qui devrait être sur Facebook. Moi, j'ai des amis qui ont pas Facebook. Ouh. Parce que... Mais je pense que t'es rendu à un point où même Facebook est utilisé dans les... mon Dieu, dans les écoles. Ouais. Fait que t'as comme plus... Mais t'as aussi ce gars-là qui a Facebook parce qu'il est obligé. Ouais. C'est... Ben oui. Point. C'est son compte professionnel ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est un gars de 12 ans qui va... Okay. Qui remette ses travaux. Mais moi, au secondaire, à son ensemble, j'ai voulu que je fasse ça. C'est la dernière fois que j'ai fait ça. Tes travaux sur Facebook? Ouais. C'est vrai? Ouais, on avait un groupe. Il fallait qu'on publie des articles scientifiques. Puis on faisait une description de l'article scientifique dans un groupe Facebook où le prof gérait, sous le nom d'un sous un faux nom, le prof gérait le groupe. Puis nos notes étaient remises par la suite dans les commentaires. Ça, c'est très particulier. Je comprends pas ça. Mais non, mais c'est que ça nous, c'est le but, c'est de nous éduquer au monde des réseaux sociaux. Mais comme s'il n'y avait pas assez de Facebook dans leur vie. Puis là, t'arrives à l'université, puis ils disent « Pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de tablette. » Ben, ça va devoir changer. Oui, ça va devoir changer. Un jour. De toute façon, je pense que la proportion de TDAH qui ont un portable dans les classes va augmenter. Il va y en avoir 3/4 de TDAH. C'est ça. La prochaine étape, là, après la pilule contraceptive dans les océans, là, ils vont trop de TDA. Les poissons vont être concentrés. C'est ça. Les belugas vont être concentrés et bandés à cause du Viagra. Mais pour finir ma chronique, je me dirais que Facebook, en fait, c'est un outil de travail maintenant. Oui. C'est aussi un outil de destruction massive. Ah, clairement. Pour ta vie. Fait que continue à être la personnalité que t'es sans détruire la vie des autres, s'il te plaît. Hein? C'est pas fou, ça? Bien dit, ça. Tu peux détruire la tienne, détruire c'est poétique, ce matin. Mais détruis pas la vie des autres, s'il te plaît, même si t'es un agent de CIA, puis tu peux trouver n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Mais là, attends, là. Attends, comment est-ce Snapchat? Que tu peux détruire la vie de quelqu'un? Ben, mettre une photo de lui tout nu. En taguant, mais là, si l'autre accepte le tag. Là. Ouais, mais là, c'est ça, là. C'est ça. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a quand même, cette personne-là a quand même 2500 amis. Ouais. Ouais, voilà. C'est pas fou. Ouais, mais faut vraiment que tu sois niaiseux pour pouvoir faire ça, en fait. Un petit peu, ouais. Ben, il y en a qui sont sexe. Ça peut être un ennemi. Ouais. Ouais. Mais en théorie, si tu les as dans tes amis, ces gens-là, en tout cas, tu tiens peut-être pas avec des gens respectables. C'est ça. En fait, c'est que tu veux plus l'avoir après. Avant, c'était un ami. Après ce poste-là, il est plus rien. C'est ça. Inexistant. Mais non, ce soir, un petit rappel, camp de recrutement pour la Luître. Mm-hmm. 18-19 septembre, donc lundi-mardi. Lundi-mardi. Aujourd'hui, demain. Et soyez là au moins une des deux journées si vous voulez faire partie. Mais les deux journées sont très, très importantes parce que c'est là qu'on s'est remarqué. Et moi, ça fait le tour pour aujourd'hui. Explique-nous donc ta nouvelle émission. Oh, hey, oui, VHS. Variété, humour, sport. Cool. Oh. Okay. Ouais, j'aime ça. J'aime nice, ça. Ouais. Ça va? Ouais. Donc, tes top 5 de choses... 1. Variété. 2. Humour. Le troisième, c'est sport. Okay. Cette semaine, au programme, je peux vous résumer rapidement, ça va être le monde dans les cours universitaires, mais en général dans l'université, dans les couloirs, faites par ma co-animatrice Noémie Lemay. Au niveau de l'humour, on va revenir avec des demi-pouvoirs, je l'avais fait un peu cet été, mais des plus cons encore. Là. Okay. Genre, tu peux te téléporter, mais tu choisis pas quand ni où. Fait que t'es sur le bord de la toilette, et voilà, tu viens de te changer de place. Oh, t'as vu, ça vient de l'autobus. Okay. Et voilà. Et la troisième partie, c'est les sports, c'est les blondes de sportifs de salon. Pourquoi? Sont là, ceux-là? Ça dépend. Il y a 5 modèles. OK. C'est comme les chars. Ils sont tous ouais, cool. Ouais, ça c'est. Mais choisis ton modèle parce que la fille qui en profite pour en sortir avec ses amis, elle fun. Mais pas avec toi. Elle fun avec ses amis en train de manger une salade thaï puis boire une bouteille de vin. Non? Mmh. Ouais. Voilà, donc, c'est ça le modèle d'émission. Et sur 2 heures? Oui, Adam, il est coupé entre. Ouais. De la musique, sûrement. De musique et de pub, là. De pub. Web. C'est long, puis pub. C'est 4 heures chaque 5 minutes. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça dure 2 heures, puis on a un bon 1h30. Là, puis on va avoir des invités spéciales aussi. Okay. T'entends déjà Francis Grélampron, sûrement. De la Luître. Je veux dire que ça va surtout être du des gens d'impro. Pas nécessairement. J'ai des amis de Montréal qui sont à l'École nationale de l'humour qui vont sûrement venir faire un tour dans l'émission aussi. Puis par téléphone, en direct. En direct aussi. Okay. Puis par téléphone, on verra. Hein, l'avenir nous le dira. Mais ceux qui vont essayer de détruire un sujet qui les fâche. Ah, wow. Tu pourrais venir, Mathieu, ça te tente de détruire le transport en commun. Je t'aime beaucoup le transport en commun à Trois-Rivières. Pas moi pour là-dessus, mais ouais, effectivement. Donc, top 5 des choses qui me gossent en le transport en commun. Et voilà, Mathieu est parti pour 2 heures. Il vient de nous remplir notre émission. Entrecoupé de pub, sans cesse. En chaque position. Ouais. Et cette émission-là est aussi encadrée par de la musique francophone. Oui. Bonne musique francophone. La bonne musique francophone. Oui. Donc, les Cowboys Fringants, Fred Pellerin, ne soirée. Pour que Louis-José Hood ne chiale plus sur le fait qu'on passe pas de musique francophone dans la radio. Ah, oh oui. Ouais, hier, hein? Ouais, hier. Sujet touché, ça, là. Très touché. Oh. Ouais, fut très touché. Mais ce que j'ai trouvé le plus drôle, puis j'ai entendu ça dans la radio ce matin, c'est que le journal Le Soleil a publié sur les Grammys, mais le Journal du Québec, qui était le diffuseur, a pas de cover de journal des Grammys. Hein? Pas des Grammys, des... Des Gémeaux. Oui, j'ai dit quoi, Grammys? Ouais. Les Gémeaux. Fait que le Journal Le Soleil, sont comme son poste, c'est les Gémeaux. Puis Journal de Québec, qui était le diffuseur officiel de l'émission, n'a pas de couverture des Gémeaux, mais les MIs, ça? Ouais, les MIs, ouais. Ah, ouais, c'est bizarre, ça. Mais je pense que Radio-Canada a un peu ramassé le draft aussi hier. Probablement. Fait que c'est un peu dur de parler contre nous-mêmes. Mais voilà, donc c'était quelque chose d'entendu. Tu sais, je vais être comme ça. En fait, si c'est vrai, c'est malade, là. C'est comme, t'es diffuseur de l'émission, puis tu bloques même pas ta couverture avec ta propre émission. C'est un peu spécial. Voilà. Très spécial. Eh ben. Québécois, hein? Ouais, tu parles de TVA, ce journal de Québec. Ouais. TVA, bon. Ouais, voilà. Diffuseur officiel. On aura compris. Donc, VHS, c'est les mercredis entre 13h et 15h à partir de cette semaine. Cette semaine. Merci, Xavier. Ça fait plaisir. Tu restes un peu? Un petit peu. Cool. Alors, on prend une pause. En fait, on prend une pause musicale. Oui. Hein, pour aller entendre Zen Bambou, parce que c'est comme ça que je me sens en pleine chronique de Xavier. Et je sais pas, on dirait que ça sonne pareil comme Zen Xavier. Pas loin. En fait, je l'écris Xavier avec un Z, moi. C'est ça. Xavier. C'est ça. Ça me surprendrait pas. Z-A-V-Y. Un TDAH et un prénom drôlement écrit. On est en 2017, monde. Voici Vladimir, un autre drôle de prénom. Prénom. Prémont? Prénom. Prémont, c'est un nom de famille. C'est notre abus. C'est Prémont. Dans les murs et dans mes amis, à AK, dans ce cas. la ville de Montréal. Les policiers de la ville de Montréal. Ils sont pas trop smart. C'est une bombe. Ouais. C'est un commentaire éditorial dans la chanson à la fin, je pense. C'est Montréal. Ils sont pas très sympathiques. Ils viennent se cogner sur quoi d'une table. C'est Montréal. Ça fait mal. On prend une pause. Au retour, son foutu palmarès. Je pense que tu vas aimer ça, Xavier, parce que c'est des listes comme t'aimes établir. Des listes? Des listes. Des top listes. 5. Top 5. Top 5. Mais pas des top 5. Top 5. Trop facile, top 5. OK. Au retour. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage outil pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Requis avec Tonya Baudin. Et Mathieu Plante, je pense. Il y a aussi Xavier Méclis. Xavier Méclis qui est là. Salut Xavier. Moi, en fait, tu vois, je fais une chronique, je suis obligé de rester. Je me sens obligé. J'aime ça, fait que je reste. Mais c'est le fun, on a du plaisir. Là, et justement, ben, je me suis dit qu'on va te garder pour des choses un petit peu stupides tout à l'heure dans la chronique sont foutus palmarès. Oui. Mais avant ça, j'entends au loin arriver l'animateur des palmarès C'est fou, Mathieu Plante. Merci Mathieu, aujourd'hui au Palmarès C'est fou, on débutera une nouvelle semaine avec notre portion Nouvelles Entrées. On entendra donc, entre autres, de nouvelles pièces de Mondo Day, Gogol Bordello et Faith Healer. Les Palmarès C'est fou, c'est aujourd'hui et du lundi au jeudi, de midi à 13h, édition week-end, samedi dès midi. Et c'est ce qui s'en vient au Palmarès C'est fou plus tard aujourd'hui. Maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette fois-ci, je me suis dit qu'on va rester, étant donné qu'on a gardé Xavier McLeish avec nous, on va garder des sujets un petit peu plus stupides qui ne servent pas à grand-chose. OK. On aime ça. C'est vrai. Commençons par une liste de catégories Netflix vraiment obscures et absolument pas nécessaires. Vous savez, sur Netflix, quand on magasine une émission de télé ou un film, on a, bon, comédie noire, on a comédie songée. C'est-tu pas... Contenu canadien, ça, on a des trucs qui sont... Puis là, les émissions ou les films se retrouvent dans plusieurs catégories en même temps. Puis là, tu fais comme, je peux-tu juste voir comme tout en même temps? Je peux-tu aller par ordre alphabétique? Je peux-tu, tu sais? Non, tu peux pas, c'est Netflix. Mais moi, je suis désolé, mais j'ai pas Netflix. Ben là. J'ai cherché parce qu'on disait la semaine dernière avec Stéphanie Paradis, il faudrait qu'on réécoute Game of Thrones avant qu'il soit plus sur Netflix. Il est plus sur Netflix. Il l'a déjà été? Ben, il me semble que oui. C'est sûr? Je sais pas. Il est sur super écran, mais c'est ça. Mais il t'offre genre comme plein de séries qui sont en lien avec Game of Thrones. C'est ça. Qui sont dans le même genre que Game of Thrones, mais Game of Thrones, pas le Link avec Game of Thrones, mais Game of Thrones n'est pas dans le Link. C'est vraiment pas le fun. Bref, Netflix a une liste de catégories cachées. Peut-être le saviez-vous, peut-être le saviez-vous pas. Il y a une façon d'aller sur Internet et trouver des catégories, les chercher, puis vous pouvez sur le web aller sur netflix.com/ un paquet de cossins, puis à un moment donné trouver une catégorie spécifique. Et bien maintenant, il y a 14 catégories spécifiques et un petit peu bizarres à entrer. Commençons par films politiques qui font pleurer. Il y en a 1291, hein? Bon vieux film politique à faire pleurer, on cherche ça souvent. Hein? Ben oui. Moi, dans le fond, ce que j'ai voulu, c'est d'entendre l'assassinat de J.K. Là-dedans, mais à part de ça, la liste de Schindler, c'est un film politique. Peut-être, je sais probablement. Pas. Probablement. Ben sûrement. Ah, mais c'est pas si pire, dans le fond, là, quand tu vois ça. Ça doit être un drame politique, ça. Film politique. Ça rentre dans une autre catégorie, on sait plus. Là. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, t'as tellement de catégories que toutes les catégories sont une catégorie. Ben oui, c'est sûr. En passant, le chiffre qui est à côté, j'ai mal compris, 1291, c'est le code qu'on doit taper sur netflix.com/browse/genre/ le chiffre à taper. Donc 1291, parce que dans la catégorie films politiques qui font pleurer, il y en a seulement deux, Braveheart et The Butler. Bon. Ensuite, des films visuellement intéressants pour les enfants de 11 à 12 ans. C'est le code 2869. Ils sont pas bons. Ils sont juste visuellement intéressants. Ouais. C'est un gros film merdique, mais Christy qui est beau à regarder. Et seulement si t'as entre 11 et 12 ans. Un petit peu moins, un petit peu plus, ça marche pas. C'est comme. Ouais. C'est un ratio très quick, là. Vraiment, il y a Charlie à la chocolaterie et The Corpse Bride. Ah, mais il est bon, Charlie. Ouais, mais bon, tu vois, il y a une, sa propre catégorie, presque. Ensuite, les films de science-fiction et fantastique, un peu bas de gamme. Raunchy, ah, comme dans genre de bas étage. C'est le code 99-63. Des films donc à faible budget, avec des drôles de costumes. Et présentement, il y a un seul film dans cette catégorie-là. C'est Hell and Back, un film qui est coté 17+, un film créé par ordinateur en 2015 qui parle de deux frères qui s'en vont en enfer. Donc, le code 99-63. Ensuite, j'aime beaucoup la prochaine, par contre. Film excitant mettant en vedette Jean-Claude Van Damme. Le code 516. Mais Jean-Claude en a fait un... Mais il a fait ça. Beaucoup de films. Mais oui. Combien de films excitants? Ah, c'est ça la là question. Là est la question. Moi, je mets... C'était... Jean-Claude Van Damme, là, c'était un classique là, pour ceux qui voulaient faire des stunts des films. Oui, mais j'imagine Welcome to the Jungle. C'est le seul qui est en catégorie. Mais il est là. C'est le seul que je peux voir de Jean-Claude. Ben oui. Il y en a plein d'autres. Pound of Flesh et plusieurs. Ensuite, film de slasher. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français? C'est de la... du monde qui tire du monde dans les... Ouais. Genre, bref. Qui tue du monde. Donc, Goofy, comme dans Ridicule ou Drôle, ainsi que Tueur en série. Donc, film de slasher, Goofy et Tueur en série. C'est le code 3712. Bon, il doit avoir le SK1 là-dedans? Comment? SK1 doit être la parole. SK1, je sais pas ce que c'est. Vous connaissez pas SK1? Non, SK1. C'est quoi SK1? C'est le premier tueur en série de France. Ah! Guy Georges, son film sur sa vie. Ah, non. Écoutez ça, c'est un des bons films français que... Mais vous savez que dans tous les films français, il y a la sirène de police au moins une fois. Mais oui. Ça, c'est un classique. Ouais. Dans lui, je pense qu'il l'a à tous les scènes. Oh. Parce que c'est un film de, de ouais, poursuite. C'est la transition ouais, entre tout le scène. Temps. Wow. Mais c'est vraiment un bon film. C'est un des bons films français que je recommande. Ah ouais, c'est SK1. SK1. Il l'a-tu dedans? Il est pas dans la liste, non. Le seul qu'on a, en fait, c'est Tucker and Dale vs. Evil, qui est une comédie apparemment bas de gamme, là, modeste. Hmm. OK. Ensuite, la prochaine catégorie loufoque de Netflix, c'est films de sport qui font qu'on sent bien à la fin. Feel good sports movie. Pour les enfants de 8 à 10 ans, c'est la catégorie 855. Attends, là, juste de 8 à 10, c'est quoi leur établissement d'âge? c'est quand, OK, à 8 ans, t'aimes vraiment le foot? Oh non, 11 ans, t'aimes bien ça. OK, fait que 8-10, c'est notre range. Mais pense au film de Air Bud, ils sont là-dedans. C'est bon. C'est le chien qui joue au basketball, qui joue au soccer. Ah, OK, il y a genre MPV, là, mon vaillant primate qui fait du skate. Là. C'est pas lui, mais oui, c'est l'équivalent de ça. Ouais, OK, c'est bon. Exactement, c'est le Golden Retriever. Fait qu'à 11 ans, t'aimes plus les chiens ni les singes. Mais ça, tu réalises qu'ils peuvent pas vraiment faire ça. T'es assez intelligent pour comprendre qu'il peut pas skater, pour vrai. Pas assez réaliste. Ensuite, les films scandinaves cérébraux, la catégorie 995. Donc des films intelligents de Scandinavie. C'est non traduit, s'il vous plaît. Non traduit, ouais, bien sûr. Ça. Bien sûr, des documentaires sur des génocides, etc. C'est un maudit bon film. Crime, t'es bon. Ouais, ça fait une demi-heure que t'entends pas grand-chose d'avoir des... il est mort, je pense qu'il est mort. Ensuite, on a les drames gore acclamés par la critique. Oh, OK. OK, genre Saving Private Ryan, encore Braveheart et Gladiator. Saving Private Ryan, je pense que c'est un classique c'est un dans n'importe quelle catégorie. Mais est-ce que c'est un drame gore acclamé par la critique? Mais j'ai une question. Oui. Est-ce que Braveheart est dans toutes les catégories? À date, là, même les films scandinaves, c'est en fait, même les films de sportifs pour enfants. Pour enfants, 8-10 ans. 8-10 pour le running gag. Braveheart. Et ensuite, film inspirant pour les 5 à 7 ans. Encore 5-7, c'est ça. The Land Before Time, là, le truc avec les petits dinosaures. C'est-tu le petit pied de dinosaure, je pense, ça? Ouais, Before Time. Ouais. C'est le code 45. C'est inspirant, petit pied de dinosaure? Ben, il survit puis il est fait fort. Là. Il a fait 48 films, je pense, qu'il était un méchant acteur. L'autre film qu'il cite... étant inspirant, c'est et Arnold le petit gars qui a une tête en ballon de c'est quoi? Tu connais ça? Football? Non, faut s'en prendre une photo en ce moment. Tu connais pas et Arnold? Non, c'est là qu'on doit se sentir vieux, Mathieu. Ben, mais attends un peu, ça a continué récemment et Arnold. Oh mon Dieu! Et Arnold. Il a la tête en genre de ballon de football. C'est, il jouait entre Bob l'éponge et les Totally Spice. Ouais. Avec même. Elga Pataky. Elga Pataky? C'est la fille qui tripait dessus. Ah, là. Avec elle le avait chignon. Sa statue en chewing-gum. Dans j'ai manqué ce bout-là. Ensuite, des et films. Arnold, et Arnold, mon Dieu. Ouais. Prochaine catégorie, loufoque sur Netflix qu'on peut trouver sur le web en tapant netflix.com /movies/genre/ les chiffres que je vous donne. Est-ce que c'est assez clair? Oh, c'est browse, pas movies. Browse, genre, en tout cas, bref. On était rendu à des films mettant en vedette Casper Van Dien. OK. C'est qui, lui? Un acteur, là. ou elle. C'est un gars ou c'est une fille? C'est un gars. Vraiment, c'est un gars. Vedette de Starship Troopers en 1997. Donc, il y a plusieurs de ses films. En fait, son plus grand rôle, c'est qu'il fait un des Stormtroopers dans Star Wars. C'est ça, non. Il fait un serveur. C'est ça. En fait, c'est un figurant qui est là tout le temps. Il tourne dépanneur. Il était dans Virginie. Il faisait un serveur dans Virginie. Non, mais c'est ça, son film le plus populaire, c'est Starship Troopers, qui n'est pas sur Netflix, donc on peut le retrouver dans d'autres films un petit peu moins connus. Ensuite, on a appréciation des vins et breuvages. Le code 1458, les connaisseurs de l'alcool vont aimer ses documentaires sur Netflix, entre autres, des séries sur des gens qui boivent. En fond, c'est 1981, le premier film, 1987 de Ricardo Trogi, le seul film de la série, parce qu'il y a une scène au Dagobert. Ça doit être ça, ça doit être pas mal. Non, en fait, il y a A Year in Champagne qui nous parle de comment on fait du vin pétillant, et il y a Crafting a Nation qui nous parle de petits micro-brasseurs. En fait, y a-tu Lendemain de veille? Ah, oh, c'est une bonne idée, par contre. Très bonne idée. On apprécie l'alcool tellement qu'on la rejette. C'est vrai. Il la rejette souvent. Et ça leur fait faire de drôles de choses. Il apprécie. Ensuite, t'as des aventures animalières de gens qui atteignent un peu plus de maturité. Donc, Coming of Age, fait que ça, c'est 12-15. Fait que ça, c'est... Non, mais c'est Ted. C'est non, mais ben... Ted, ça serait dans vulgaire. Ouais. Non, mais c'est un animal qui atteint sa... qui est atteint plus la mature. Là-dessus, il atteint la maturité. Ouais, il atteint 18 ans. La maturité, c'est vrai. Mais donc, c'est une catégorie remplie de chevaux, entre autres, Flicketoo, et là, il y a aussi des chiens immortels avec des pouvoirs magiques, comme The Amazing Wizard of Oz. Mais est-ce qu'ils considèrent Pocahontas comme un animal qui devient métis, comme un Amérindien, oh. Tout ça, avec tout ça, les chevaux, puis est-ce que pensez-vous que c'est là-dedans? Je penserais pas, le colibri, il parle pas. Ah, oh, OK, il faut que l'animal soit comme personnage principal. Là. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est fait, aventure animalière. Ah, oh, mon Dieu. Ouais. J'ai d'avoir des flashs de films d'enfants. Il y a le panda là, qui mange des biscuits dans la Pocahontas, mais à part ça... Il y a, comme Fou Panda doit être là-dedans. Panda, oh, non, c'est un dessin, c'est pas un vrai animal. T'as raison. Colin, que c'est spécifique comme catégorie. Trop hein? spécifique, trop en spécifique. Fond. Fait que j'écouterai pas ce catégorie. C'est ça. Il nous en reste deux catégories très spécifiques sur Netflix. Film de ski documentaire. Okay. Non, pas une fiction, dans le fond. Donc, qui n'est pas une fiction, c'est fait, ça. On a de la misère à traduire en français non-fiction, mais c'est ça. C'est quelque chose de réaliste, basé dans la réalité. Fait, dans le fond, il n'est pas mort. C'est la première étape. C'est, parce c'est que ça. C'est ça. C'est pas une fiction, parce que s'il serait mort, ben on ne pourrait pas. Fait que c'est comme du monde qui a filmé des GoPro et des skis. Genre. Fait que c'est écouter des vidéos YouTube pendant une heure et quart. Ben là, attends, ça dépend. Il y a un documentaire aussi. Mettons, Shane McCaughey, c'est un des meilleurs skieurs. Ouais. Il a son propre documentaire. Australien, si je me souviens si bien. C'est un documentaire, c'est pas réel, là, c'est pas vécu. Là. Ben c'est oui, c'est un vécu. Documentaire, c'est vécu. Non, mais il vit. Ok, je pensais qu'il vivait comme là, là. Non, pas nécessairement, non, non. C'est juste que c'est pas fictif, donc c'est pas un drame. Ok, c'est pas un drame, mais c'est ça. C'est la vraie, vraie histoire. C'est ça. Fait que c'est pas inspiré de ça. C'est ça qui est arrivé. Exactement. Ah, et voilà. Et ensuite, comédie mettant en vedette Larry Fine. C'est qui, Larry Fine? C'est un des gars des Trois Stooges. Larry Fine. Il a fait les Trois Stooges. Un autre figurant de. Mais non, les Trois Stooges! Tu connais pas les Trois Stooges? J'avoue que c'est en noir et blanc, fait que peut-être que t'aimes pas ça. Non, là. C'est vieux. Les Trois Stooges, c'est les gars qui se tapaient dessus tout le temps là, avec les doigts dans le nez, puis. Non? Ben, c'est un autre. Louis Fenberg. En fait, moi, je pense que c'est aussi un autre figurant de Virginie. C'est juste peut-être. En fait, il était dans des kiwis et des hommes. Oui, c'est ça. C'était le kiwi. Il joue le prof de science. Avec les cheveux qu'il y a, c'est le kiwi. Wow. Voilà, donc ça, c'était la liste des beaucoup trop spécifiques catégories de Netflix. Continuons avec 16 jurons qu'on devrait ramener. Ouh, qu'on devrait ramener. On cherche des mots méchants, des mots pas le fun à dire, mais qui sont le fun à dire. OK. Qu'on devrait pas dire. Des mots qu'on devrait pas dire, mais qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on devrait pas dire? Des jurons qui sont moins populaires, qu'on devrait ramener, qui datent d'il y a longtemps. Si on les dit plus parce que... Genre... À part peut-être ton mariage. Vierge, qui est un sacre, parce que vierge vient de vierge. Ouais. Vierge Marie, vierge. Ouais. Et vierge. Mais personne dit ça, là. Ben, c'est ça qu'on dit. Viande à chien. Viande à chien. Sauf qu'on va y aller avec une petite twist de plus. On va y aller avec des affaires qui ont des origines anglophones. OK. Ça, ça nous tente. Donc, des mots qui sont parfaits pour ramener peut-être et même les utiliser dans notre langage quotidien. Commençons avec Zunters. Oui. Ça vient du 18e siècle. OK. Ça a été modifié par la suite. Donc, c'est on a pris le mot Zounds, qui voulait dire « his wounds », comme dans ses plaies, comme dans les plaies du Christ. Ouais. Et « zounds », »,« his wounds », ça a donné « zounds », ça a donné « zunters ». Oh boy. Ben, « zunters », nous, le prochain. Ben, c'est comme « zut ». Ouais, mais c'est comme « zunters ». Ouais, c'est comme « zut ». Moi, j'aime bien « zut ». J'ai d'où « zut ». Zut. Zut. Trois lettres. Ben oui, pizza zut. Pizza. Zut. Ensuite, « ouns ». Hein, si Zunters était trop près du blasphème à cause du Christ, là, on peut enlever encore un autre son. Ça vient encore de Zunes, qui vient de His Wounds, c'est Hums. Ensuite, Dodgast. Un peu comme les jurons en anglais Dagnabit et Doggone, qui sont des façons d'éviter Goddammit, comme dans Dieu soit... Ouais, ouais, c'est ça. Que Dieu soit lié. Ou God Damned, on dit donc God Gassed, qui est l'équivalent de God Blasted. God Gassed. God Gassed. God Gassed. En fait, tu le dis plus parce que c'est un exercice de diction. C'est ça. C'est pas... Mais c'est un mauvais, là. Tu vas exercer ta bouche pour faire d'autres choses. God Gassed. Ensuite, on a Adod. Une autre façon obsolète de se satisfaire en sacrant presque, ça vient du 17e siècle, ça voulait dire « oh God ». Donc c'est devenu « Dieu ». Adod, ouais, « Dieu ». On avait aussi « Igad », qu'on utilisait dans le passé, donc « A-D-O-D » ou « E-G-A-D ». Mais « Adod », je trouve cool. « Adod ». Ça se dit bien, c'est comme « hey, Adod », pour vrai, « Adod ». Ensuite, « Crivens », qui est un mélange entre « Christ » et « Heavens », le Christ et le paradis. Qu'on mâche ensemble. Ça vient de 1935 dans le livre Shipbuilders Holy Crivens. Crivens. Crivens, mais faudrait aussi. Faudrait essayer de faire ceux-là en québécois. Genre. Faudrait. Ah, oh, on aurait dû. Ouais. On aurait dû. Qu'est-ce qu'on aurait? Oh mon Dieu, ce serait. Oh Dieu! Non? les comparer un peu. Dieu! C'est juste comme. Oum, ce serait genre. Oh! Ouais. Oh. Les comparer. En fait, je pense que le problème du français, c'est qu'on a déjà tous nos sacs. C'est ça, il y en a trop. Il y en a un qui fait toutes les autres. Il commence par T, finit par hack. Mais je pense qu'il les remplace tous à un moment donné. T'as raison. Oui. Avec différents tons. Là, ça peut, ouais. Exactement. Ce qu'on appelle l'accent tonique. L'accent tonique de ce mot-là est assez impressionnant. Absolument. Assez impressionnant. Assez. Moi, pour Zunter, je suggère Zutesque. Zutesque. Zuté. Zuté. Ensuite, on a I snore. Comme dans snore. Je ronfle. C'est une exclamation en fait, qui vient du début des États-Unis pour éviter de dire le mot juron. Swear. I swear est devenu I snore. Okay. Je jure devient je ronfle. En 1790, le Massachusetts Spy disait que dans un village, on entendait la phrase I snore et dans un autre I swogar. Mais dans le fond, I swear God. Tu sais, quand tu. Genre, qu'il faut que tu censures I le mot. Gar, I swear God. Oui, I swear. Exactement. Et d'autres expressions de. Il faut avoir la bouche. Flexé, moi je vais dire ça. I snogger. I snogger. Non, mais pour vrai, censurer le fait qu'on sacre, censurer le mot sacré, c'est d'aller loin. Non, mais c'est que t'es rendu à. Censurer tout, là. Ouais. Bon. Censure la censure, c'est ça. C'est ça. Censure la crème sûre. Oh, c'est débile. Censure la crème sûre. On continue avec By Snoom. Si oui. Snore ou Swogar, c'est pas assez pour cacher les choses gênantes. Il y a aussi Snum qui vient de Vum, V-U-M, qui lui-même vient de Vow, comme dans promettre. OK. Jurer, donc ça vient dans le même sens que jurer. Wow. Bon, on comprend. Fait que dans le fond, si tu promets que tu vas, ben, baisseau. Baisseau. Ouais. Je te promets, mais en même temps, m'en balance. Exactement. Ensuite, Beer Lady. À ne pas confondre avec Beer Lady. Ici, c'est Beer Lady qui est formé par By Our Lady. Donc, je ne sais pas pourquoi ce serait à censurer. By je Our sais Lady. Pas non plus. Est-ce que c'est la reine, peut-être? Possible. Ouais, mais c'est pas en lien. Okay. La reine, la monarchie. La reine, la monarchie. Ouais. À l'époque, anglophone. Anglophone. Oui. Faut rappeler, hein, parce que la tout, monarchie tout au Québec. Tout ce qui est sacre est censé être relié à quelque chose qui était très, très fort dans la société. Religion? Ouais. Démocratie? Ben, politique. Religion, c'est ici. Souvent. Mais là, en ce moment, ça a l'air que ça va être le prochain sac, ça va être au lieu tour des conservateurs. Quand tu vas dire des mots en ligne des conservateurs. Charret! C'est un bon sac, hein? Charret. Hey, Charret! J'aime ça. Ensuite, toujours dans la liste des jurons qu'on pourrait ramener du domaine anglophone, on a Rabbit. Lapin. Lapin. On a déjà entendu parler sûrement du juron Rats, mais ça a commencé en God Rot. Et avant ça, c'était Rabbit, comme dans Rabbit the Fellow, qui vient du livre de Henry Fielding, qui s'appelait Joseph Andrews. Donc God Rot, que Dieu pourrisse, est devenu Rats, est devenu Rabbit. Ça va, on dit lapin, lapin, lapin, sur, quand t'es dans le bord d'un feu de camp, tu sacres. Lapin, lapin, lapin! Ensuite, What the Rattle? What the Rattle? Donc, c'est une citation qui vient d'un dictionnaire, le Oxford English Dictionary, de 1790. What the Rattle makes you look so tarnation glum? What the Rattle? Fait que c'est probablement de le What the Heck? Ouais, de l'époque. De l'époque. Exactement. Ou le What the Hell? Ou What the Fuck? On est-tu rendu à 11 ou à 12? Hein? On est rendu à 11. Parce que moi, à 12, j'ai hâte. Ah, ben, on va commencer par le 11 qui est Bones of Me. Ça vient du 16e siècle. Bones of Me, comme dans mes os à moi. Ouais. Ou Bones of You, comme tes os à toi. Donc, les os, c'est la partie du corps qui reste après la mort. Mm-hmm. Hein? Donc, l'expression est un peu comme over my dead body, donc sur mon corps mort, mais sans le corps mort, parce que c'est juste les os. Hein? Oui, c'est ça. Ensuite, je pense que c'est le préféré de Xavier, on dirait. Ouais, mais Lac. Parce que Lac, c'est un gardien de but au hockey. Ah, ben oui. Puis le monde dit, hey, tu sais, comme mettons, c'est lui qui a donné le but. Bien joué, Lac. Non, mais non? Du but du centre de la patinoire. OK, ouais. Fait que good luck, dans ma tête, c'est juste, hey, t'es bon en chien, là. Oui, ouais. Ça a un lien avec good luck comme bonne chance. Good luck. Voilà. Donc, en plus de good God et good heavens, il y avait good luck. Ça vient de alak, et lack voulait dire une faute ou un problème moral. Donc, c'était utilisé pour parler de choses qui étaient dans un mauvais état. Ah! Donc, à cause de problèmes moraux ou de fautes graves. Ensuite... J'ai hâte au 16e, moi. Bon, Colin, hein, c'est le fun d'avoir hâte à tout sauf ce qu'on fait, là. L'Ovalenti, une expression de choc et de surprise. Donc, c'est, ça vient de la phrase « Lord defend thee », donc « que Dieu te défende ». C'est aussi devenu « Locantis »,« Lokinti » et « Lockins » en Écosse. Donc, on disait à l'époque « L'Ovalenti ». Ensuite, « Megstimi ». Megstimi. Ouais, Megstimi, une expression de surprise qui est reliée à Mighty, comme dans Dieu puissant, ouais. Mighty God. D'autres formes, Megsti, Meginti, Meginsti ou Megins. Ensuite, Stap My Vitals. Stap My Vitals. Ouais, un autre juron anglophone qu'on pourrait ramener, Stap My Vitals, ça vient du Lord Foppington. Okay. Lord Foppington, un personnage dans la comédie de 1697, Relapse, qui avait un problème, il prononçait ses O en A. Donc, stop my vitals, comme dans genre, ça arrête mes signes vitaux. Et c'est devenu stop my vitals. c'est ce que j'en comprends, là. C'est pas super bien expliqué. Et le 16e, c'est le préféré de Tania. Supernaculum. On dirait une affaire dans Harry Potter. Oui, ou quelque chose. En fait, moi, je pense que ça a plus l'air comme un nom scientifique pour une plante. Aussi. Oui. Le supernaculum, ici, dans le fond, vit depuis 250 millions d'années. Ou sinon, un outil pour ouvrir une femme. Supernaculum, ouais. Voilà. Donc, bref, c'est une... En fait, moi, tout ce que après moi, tu l'as dit, je vais être avec toi parce que j'ai pas regardé le nom avant, mais après moi, tu l'as dit, je pensais qu'il avait dit Super Vacuum. Super Vacuum. Super Vacuum, comme c'est Dyson. Une incroyable toilette. Ouais. Donc, en fait, c'est une combinaison du latin et de l'allemand. C'est une vieille expression qui demande aux gens de boire. Donc, il y a une phrase allemande « Auf den Nagel trinken » ou « Drink to the nail » voulant dire « Vide ton verre jusqu'à la dernière goutte ». Naculum est un jeu de mots avec « Nagel » en latin. Et on ajoute « super » ou « over » et ça donne « super Naculum ». Donc, c'est une façon de dire aux gens de boire jusqu'à ce que vous ayez terminé votre verre et on leur vire à l'envers sa table. Genre oh mon Dieu! Mais je vais maintenant utiliser ça au lieu de cul sec. Super Vacuum! Et ah, c'est vraiment. C'est comme. Le son qui vient après dans la tête. Écoute, j'ai payé des shooters à toutes mes amies juste pour utiliser excellent, ça. Excellent, on va à chasse tout de suite avant l'émission. Hey, on a le temps encore. Il nous reste une quinzaine de minutes à l'émission. Donc, on va continuer avec une autre liste un petit peu moins stupide, celle-là. Par contre, qui est droitier, qui est gaucher ici? Gauchère. Xavier. Moi, je suis droitier. Droitier aussi. Donc, les droitiers, les gauchers, on va faire des faits, en fait, sur les gens qui sont ambidextres. Mais ben, attends, là. Tu n'as pas demandé si j'étais ambidextre. Ouais. Oh, OK. Ben, est-ce que tu peux écrire des deux côtés? Oui, mais moins bien. Très bien. J'écris des mal la main droite, fait encore pire la main gauche. Ça. Mais j'écris des deux mains. Je mange des deux mains, j'attrape des deux mains, puis je lance des deux mains. OK, parce que moi aussi, je fais ça, mais j'écris pas de la droite parce que j'écris vraiment mal. Tu manges des deux mains. Oui. Tu coupes avec des ciseaux de la main, des deux mains. De droitier, parce qu'il n'y avait jamais de ciseaux de gaucher chez nous. C'est ça. Merci à mon père qui vient de passer. Oui, ton père qui a essayé d'entrer en studio, mais sa carte ne fonctionne pas sur ces cartes horaires-là que vous voulez voir. Donc, si est-ce que c'était vraiment ton papa? Ouais. J'ai pas reconnu. Je l'avais jamais vu. Ça explique tout. Donc, si vous êtes capable d'écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite, vous êtes en fait dans le 1% de la population. OK, mais il faut écrire pareil des deux bords. Il faut être capable d'écrire correctement des deux bords. Okay, mais maintenant, un crayon. Attends un peu, je vais te passer mon coffre à crayon rempli de 45 charpies. Et waouh, wow, j'ai beau lancer. Et tu vois, j'ai lancé de ma main gauche et je suis droitier. Mm. Mais moi, c'est en fait, c'est. Tu sais, j'ai travaillé comme chasseur de balles à Tennis Canada. Okay. Et t'as pas le choix d'être ambidextre parce qu'à un moment donné, t'as des balles qui arrivent à droite, à gauche. Mm. Puis même que j'étais rendu capable de les attraper avec mes pieds. Entre mes orteils, okay, je pognais des balles. Je sais pas si c'est encore plus qu'ambidextre. Je suis 4 bidextres. Quoi tu as du bidextre? Bref, très peu sont capables d'écrire des deux mains correctement. On dit qu'environ 10% des gens sont gauchers. Ensuite... Allez, Tania n'écrit pas pareil, c'est A du tout. Non. Comme tout ça va bien, dépend. Sauf le A. Sauf le A, honnêtement. Et t'as une lettre près d'être ambidextre. Écris l'alphabet des deux mains, moi. Faudrait pas qu'elle aille à écrire le mot ambidextre. Papa est revenu. Qu'est-ce que quelqu'un peut lui ouvrir la porte? Ouvre-lui la porte, quelqu'un. Il fait pitié, là, il est tout seul dehors avec sa carte, là. Donc, c'est pas suffisant, en fait, d'être capable d'utiliser sa main gauche et sa main droite. C'est pas suffisant pour définir une préférence chez bien des gens, selon les experts. Plusieurs personnes ont, en fait, un certain niveau de chasser croisé des deux mains, donc ils vont favoriser une certaine main pour certaines tâches, même si c'est pas leur main dominante. Ça fait pas de ces personnes-là des personnes ambidextres, bon, nécessairement. Je tiens à dire que c'est pas si pire. En fait, ça joue dans les voyelles. Ouais, hein? C'est vraiment les voyelles. Les lettres les plus importantes. En fait, c'est... Ben, sauf dans mon nom de famille. Mais cliché, il y a un « i » de ça. Oui, mais pour ça... Il y a un « espace », hein? Oui, il y a un « espace ». Un espace inutile, je dois dire. Non. Hein? Parce que regarde, sinon, Mathieu, là, c'est pas si pire. Elle est pas si pire. Elle écrit quand même bien. Ouais. Bref, on était en train de dire qu'ambidextre, en fait, mais ça fait référence... Hé, hey, laissez-moi parler. Hé, hey, on va... Non, mais il parle de conversation. Vas-y, Mathieu, on t'écoute. J'ai des faits à vous dire. OK. Ambidextre, en fait, ça fait référence à ceux qui peuvent utiliser leurs deux mains aussi bien que la main de droite d'un droitier. Donc, très, très bien. Sinon, ambisinistre peut être utilisé pour décrire les gens qui utilisent leurs deux mains aussi bien que la main gauche d'un droitier. Donc, c'est-à-dire mal. Ambisinistre. Ambisinistre. Arc. Pas pire quand même, hein? Ça sonne comme une maladie transmise sexuellement. Je suis atteint d'une ambisinistre. Hier, j'ai pogné mon ambisinistre. J'ai pogné l'ambisinistre. Elle était grimpante en plus, dans la table. De l'eau bénéficitrice. Bon. Contrairement aux droitiers qui ont une dominance dans la gauche de leur cerveau, les hémisphères des gens ambidextres et des gauchers sont presque symétriques. Hey. Avez-vous vu ça? Ouais, mais c'est on est winner. Toi, t'es-tu gaucher? Moi, je suis droitier de droitier. Ouais. Ensuite, on dit que... T'as une face de gaucher, je trouve. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, je devrais être plus gauche. C'est pour ça que je dois échapper toutes les choses à terre. Mais j'échappe tout le temps, tout le temps. Tout. Ah, c'est mes cliches, là. Les gens qui, un peu comme la synesthésie, les gens qui ont des sens mélangés, qui vivent leur perception sensorielle croisée, en fait, chez les gens qui sont atteints de synesthésie, je sais pas s'ils sont atteints de ça, mais qui ont ça. Donc, on parle qui sont plus souvent ambidextres et même gauchers, sinon, en fait, plus que dans la population en général. Les gens ambidextres ont plus de chances de posséder le gène LRRTM1 sur le chromosome 2, c'est lié à la schizophrénie. Les études nous apprennent que les gens qui sont schizophrènes ont beaucoup plus de chances d'être ambidextres ou gauchers que les gens qui ne sont pas schizophrènes. Une autre étude de la BBC Science nous dit que des 1% de 255 000 personnes qui ont répondu au sondage qui indiquaient être également à l'aise en écrivant des deux mains... 1% des 255 000 répondants qui ont indiqué être également à l'aise d'écrire des deux mains. 9,2% des hommes et 15,6% des femmes ont dit être bisexuels. Dans la même étude, 4% des droitiers... C'est quoi le rapport avec l'ambidextre? J'ai écrit de deux mains, mais je suis sexuel. Tu joues des deux bords. Tu joues des deux bords? Mais, ben oui. Mais attends, là, ça n'a pas rapport avec mon cerveau, là? Et c'est, ben oui. Ben oui. Hey, attends un peu, là, la sexualité, ça a rapport avec le cerveau. Oui, mais tu attends, comme ça. Il y a une différence entre être ambidextre puis être bisexuel, là. Ben, pourquoi? Ben, ton cerveau a déterminé que tu es bisexuel. Ok, il y a une différence entre bisexuel puis être bon avec les deux sexes. Tu sais comment c'est? Est-ce que tu peux être bisexuel? Bon, bisexuel. Bisiniste. Bisiniste. On va demander à l'émission C'est fou le sexe. Oui. Donc, 4% dans la même étude nous disait. Ok, on recommence. Dans la même étude, 4% des droitiers et 4,5% des gauchers. Hommes et 6,2% des droitiers et 6,3% des femmes gauchères disaient qu'elles étaient attirées par les deux sexes. Ouais. Ah ouais. Les gens qui s'identifient comme étant capables d'utiliser les deux mains ont un moins bon score en fait sur les tests de QI ou les tests d'intelligence générale. Et souvent ces scores-là sont plus faibles en arithmétique, en mémoire et en raisonnement. Ah ouais. Selon une étude, ouais. Sauf que c'est pas nécessairement le cas tout le temps. Une étude de 8000 personnes d'âge infantile entre 7 et 8 ans montrait que 87% des étudiants qui étaient capables d'écrire des deux côtés avaient des difficultés plus prononcées en langue. Et aux âges de 15 et 16 ans, les mêmes étudiants montraient un plus grand risque de symptômes de TDA, H, et performaient académiquement en dessous des étudiants gauchers et droitiers du même échantillon, donc ceux qui étaient capables d'y aller des deux côtés. Les zombies, comme on les appelle pour être plus court, les zombies peuvent être plus faciles à fâcher, selon une étude de Merrimack College qui suggère un lien entre les hémisphères du cerveau qu'on trouve chez les ambidextres et les gauchers. Ouais, mais là, c'est ceux aussi qui sont bisexuels, ça peut facile à venger. T'as tout en même temps. Ouh. Une étude. C'est un fait à la fois, OK? C'est ça. Une étude par la suite a montré que la connexion de l'hémisphère avait une corrélation avec être plus maladroit ou awkward, comme dans malaise un petit peu. Ouais, ben, c'est pas un mot, mais ouais, mettons. Ouais. C'est ça, maladroit et. Avec des sautes d'humeur, voilà. Ensuite, on dit que Qu'on a testé à Montclair State University. On a testé un groupe de gauchers et de droitiers pour leur stabilité émotionnelle. Oh non. On apprend donc que dans le groupe, les droitiers étaient les plus difficiles à, comment dire, à convaincre. À satisfaire. On parle de bisexualité encore. C'est très bon. Ah oui, clairement. Alors que les ambivalents avaient plus de chances de rencontrer un changement dans leur humeur basé sur leur environnement, la musique, entre autres, autour d'eux. Ah, OK. Etc. C'est parce qu'ils aiment toutes. Ils aiment toutes. Ils ont plus de choix. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est ça? Exactement. Et on dit qu'être capable d'utiliser les deux mains presque pareilles, ça peut vraiment être une bonne chose, particulièrement dans les sports, les arts et la musique. On dit que des vedettes, entre autres, des figures historiques qui étaient en bidextre, entre autres Léonard de Vinci, Pete Rose, Richard Feynman, le lanceur Greg A. Harris, Michel Kwan, Shigeo Miyamoto de Nintendo, Paul McCartney, Benjamin Franklin et Harry Truman étaient tous en bidextre. Moi, je pense que, dans le fond, être en bidextre, c'est un peu ambivalent. Ouais. C'est que tu vas y aller au feeling tu plus. Tu choisis un bar en tant que tel, éventuellement. Ben, à un moment donné, tu peux aller à chasse-galerie, tu choisis ton bar. Puis, mais pour vrai, je pense qu'ils sont juste plus ambivalents que nous. Possible. Comment savoir? Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On retrouve les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. Et on va terminer l'émission là-dessus parce que les gens de C'est fou le sexe s'en viennent à partir de 10h. Ne les manquez surtout pas. Ils vont parler de plein de choses qui peuvent des fois être malaisantes, mais dans le bon sens. Oui, mais pour vous éduquer. Et voilà, en sexualité, donc ça commence à 10h. Après ça, nous serons de retour, Tania et moi, pour les palmarès C'est fou. Édition du lundi, c'est l'édition Nouvelles Entrées. Je pense qu'on va en avoir assez pour une deuxième heure de Nouvelles Entrées. Oh, oui, je pense que oui. Vraiment beaucoup. En après-midi, la rediffusion de Rock Classique. Et puis à 20h, c'est Rock de Neurones avec du rock progressif. C'est fou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi, Mathieu. Reste là pour C'est fou le sexe. Et ne manquez pas VHS à 15h mercredi avec Xavier McLeish. Avec la première de tout ça. On a hâte. Et on se quitte avec une pièce de Darren Evil, Exploited, à demain 7h. Bon café, tout le monde. Bye. time.